Aussi. Ils seront ici dans 3/4 d'heure au maximum. Eh, je sais bien. Le déjeuner n'est pas prêt, la table n'est pas mise. Eh, je sais bien. Tu sais aussi à quel point nous avons besoin de lui. Ah oui, ça c'est ce que je sais le mieux. Nous allons carrément à la catastrophe. C'est à ne pas y penser. Dis-moi, qu'est-ce que nous avons comme déjeuner? Et, pour le moment, rien. Comment rien? Ah, pour le moment, absolument rien. Tu invites ton cousin à déjeuner, notre avenir dépend entièrement de l'impression que nous allons lui faire, et toi, t'as rien à lui offrir comme déjeuner. Absolument rien, absolument rien. Bosse pas sur le fauteuil, tu vas te casser la gueule. Mais enfin, c'est pas possible. Eh, si, mon pauvre chéri, je vais te le faire confirmer. Émile. Monsieur. Est-ce que le boucher a apporté la viande? Non, monsieur. Et l'épicier, est-ce qu'il est venu? Non, monsieur. Et le vin, on l'a livré? Non, monsieur. Merci, Émile. Pas de quoi, madame. L'appelle pas, Émile. En fait, tu sais bien que ça l'agace. Oh, j'aurais tant voulu avoir un valet de chambre. Dis-moi, tu avais téléphoné? Oui. Chez Charvet? Oui. Chez Blancard? Oui. Chez l'épicier? Oui. J'avais téléphoné, mais il faut croire que ça ne suffit pas. Et tu n'as pas du tout d'argent? Ah, aujourd'hui, pas du tout. Eh ben, t'en avais déjà pas beaucoup hier. J'en aurai demain. Pas beaucoup. Mais demain, j'aurai probablement de quoi payer notre déjeuner d'aujourd'hui. Tu travailles ce soir? Je pistonne. De 9h à 2h du matin, au bal Wagram. Oh, un homme comme toi. Et que veux-tu? Je suis piston, je joue du piston. Le seul ennui, c'est que j'en joue pas assez. Quand je pense que t'as pas de travail régulier. Hein. Ça, mon amour, c'est un peu ta faute. J'ai demandé à Fred une augmentation, comme tu me l'avais dit. Il m'a foutu à la porte, comme je te l'avais dit. Mais ils verront le jour où on jouera ton concerto. Bon, tu sais, un concerto pour cornet à piston et orchestre, hein, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. C'est que Meyerbeer a mis 10 ans pour faire exécuter le sien. Écoute, je suis sûre que c'est à cause de ton scherzo de la possession. T'es carrément allé trop loin. Ah oui, oui, il est peut-être un peu sensuel. Un peu? Et je te possède, et tu me possèdes, et ils se possèdent. Et puis ils n'en finissent pas, hein. Et puis il y a la infa dièse d'une inconvenance. Ah oui, je suis sensuel, c'est entendu, mais je suis pas libertin. Que tu dis? Mais la possession, ça existe, non, d'ailleurs. Nous allons faire une chose. Stop! Je regrette, on n'a pas le temps. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, hein. Faut penser à se déjeuner. Hey. D'autant plus que moi, je crève de faim. Oh, ma pauvre jolie, d'habitude, c'est moi. J'ai tellement faim que je mangerais même quelque chose que je n'aimerais pas. Non, tu mangerais du foie de veau, par exemple? Je te le jure. Oh, faut absolument que je fasse un effort. Je t'en supplie. Combien doit-on à la mère Mancet? Et la dernière fois que je l'ai vue, elle parlait de te casser son parapluie sur la figure. Oui, foutu, c'est bien ce que je craignais. Ça, c'est complètement foutu, ça. Elle italien? Barbinelli, on doit lui devoir 800 ou 900 francs de moins qu'à elle. Mais pourquoi ça? Mais il n'y a pas de raison, un étranger. Allez, allez, c'est lui qui va nous offrir le déjeuner. Ah bon, il est belge? Mais non, il est italien. Alors, je vais lui faire le coup des Poliakov. C'est quand tu prends l'accent russe? Eh oui, c'est quand je prends l'accent russe. Mais tu le prends comme un cochon. Mais ne dis pas ça, l'accent russe est une de mes spécialités. N'oublie pas que je suis musicien. Piston? Et sa tête, ça, pour l'accent russe? Surtout avec un Italien. Ah, oh, bah oui, peut-être. Bon, alors il te prend pour Poliakov, et puis... Ben, Poliakov habite au-dessus. Oui. Chauffeur de taxi, très bonne réputation, pas de dette connue. Bon, je lui fais ma commande. Barbinelli m'envoie le petit commis, qui ne me connaît pas, souligné. Bon, je l'attends dans l'escalier, je le remercie avec l'accent russe en lui disant que je passerai payer, je remonte ici faire la cuisine, c'est pas plus difficile que ça. Et si l'Italien vient lui-même au lieu de t'envoyer son commis? Oh bon non, bon, enfin, tu crois qu'il va se déranger pour un chauffeur? Bon bah essayons, hein, qu'est-ce que tu risques? Ben oui. Lulu! Oh, pourquoi appelles-tu Émile? Ben parce que moi je veux qu'elle entende ça. Oh, elle va rigoler. On la paye pas, c'est bien loin qu'elle rigole de temps à autre. Ah oui, c'est vrai. Lulu, écoute ça! Écoute mon petit bonhomme, tu... Alors chut. Allô, allô? Allô, la maison Barbinelli? Ici, Poliakov! Il prend l'accent russe! Eh ben, tu vois, il s'en est aperçu tout de suite. Ici, Fedor Pavlovitch Poliakov! 14 rue de l'Abreuvoir! Alors, cher Barbinelliski! Ben, mais laissez-moi parler au nom du petit père! Alors, cher Barbinelliskov! Vous envoyez tout de suite par petit commis gros poulet au spaghettiskov. Oh, ben écoute, ne me fais pas rigoler. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez de me faire rigoler? Ce qui peut m'engueuler, c'est pas croyable. Je commande quand même le déjeuner. Oh non, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Alors, c'est pas la peine. Bon, alors, mes enfants. Alors, mes enfants. Les enfants, ne nous affolons pas. Ah bah c'est pourtant la seule chose à faire. Oui. Hein? Il reste peut-être quelques pommes de terre. Quelles pommes de terre? Il n'y a pas de pommes de terre. Même pas de pommes de terre? Ah, parce que tu comptais lui offrir des pommes de terre. Oui, pour le faire patienter. Tout ce que nous pouvons lui servir, c'est un rince d'oie. Remarque, il va peut-être pas venir. Ah bah ce serait le comble alors. Le comble? Oh non, c'est, nos familles sont brouillées depuis 20 ans. Lui et moi sommes vaguement réconciliés, et si vaguement, j'ai pas eu l'occasion de te le présenter. Et puis, tu verras, il a jamais voulu me tutoyer. Voilà, il doit bien se douter que si je l'invite à déjeuner, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Dis-moi, comment est-il ton cousin Olivier? Non, mais ben alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cherchons plutôt ce qu'on va lui donner à manger. Oui, alors s'il te plaît, réfléchissons. Ah, ben, hein? Réfléchissons. Réfléchissons. Non, ne regarde pas, réfléchis. Tu me troubles. Non, mais dis donc, quelle idée de donner de la nourriture à des gens qu'on invite? La conversation devrait suffire. Nous, les déjeuners, est-ce que ça nous intéresse? Ah non, ça vous intéresse pas, j'ai remarqué. Ah oui, moi aujourd'hui, si. Tu sais qu'il y a des femmes qui ferait des folies pour ne manger qu'une fois par jour. Tu vois la chance que tu as. Tu trouves que c'est le moment de faire le guignol? Mais c'est toujours le moment de faire le guignol, hein? Bonsoir les petits-enfants. Un autre âge, quand on a... Tu sais l'âge que j'ai? Ah oui, mon amour. Et même, je te demande bien pardon. D'ailleurs, t'as le même, à peu près. Alors, je trouve quand même qu'à notre âge, on pourrait prendre la vie un peu plus sérieusement. Oh non, madame! Tu lui fais de la peine à cette petite. Lulu, sois gentille. Va t'en voir à la cuisine si j'y suis. Voilà. Dis donc, mon chéri, tu te fais pas un peu de bile en ce moment? Ah, en ce moment précis, si, en ce moment, je passe un très mauvais moment. Oh, merci. Seulement, l'heure la plus noire n'a quand même que 60 minutes. Et allez donc. Attends un peu, il va nous arriver quelque chose d'épatant. T'es incurable, hein? Écoute, mon amour, dans ma vie, j'ai déjà cru une douzaine de fois que tout était perdu. Rien, maintenant, ne m'empêchera d'espérer. Mais d'espérer quoi? D'espérer, un point c'est dit. De tous les animaux, l'homme est le seul qui espère, et tu voudrais m'enlever ça? Oh non! Dis donc, à propos, c'est pas la peine de te demander si tu as placé quelques-uns de tes cendriers artistiques? C'est pas la peine. Pas un seul? Pas un. Tout le monde trouve que je suis une artiste. Belle pâte, colorie audacieux. Bon, m'achète rien. Eh ben laisse donc, ils seront bien embêtés un jour. Oh non, à tes souhaits, là. Oh, je souhaite trop de choses. Oh, bon Dieu de bon Dieu. Quoi encore? Un nœud à mon mouchoir. Et alors? Mais je fais un nœud à mon mouchoir quand j'ai un ennui dont il faut que je me souvienne. Oh, c'est nouveau, ça? Mais que veux-tu, moi? Mes ennuis, je les oublie tout de suite. Mais il y en a tout de même dont il faut s'occuper. Sans ça, ils deviennent vite des emmerdements. Et c'en serait un, ça? Mais faut croire. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'en ai aucune idée. Le loyer? Bien plus urgent que ça. Les impôts? Je te dis que c'est urgent. Un huissier? Ça m'étonnerait, personne n'y croit plus aux huissiers. Le téléphone qu'on va nous couper? Mais un ennui, je te dis! Bah, l'électricité, alors? Et on ne cherche qu'à les oublier, va falloir les passer tous en revue. C'est... Maman, t'as peut-être annoncé sa visite. Oh, quelle horreur. Non, elle a manqué plus que de me faire penser à ta mère. Je te demande pardon, mon chéri. Mais d'ailleurs, j'y pense, tout d'un coup, on pourrait peut-être lui demander à elle. Non, si on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Ouvrez, enfants! C'est moi, votre Charlot! Cherchons plus, l'ennui, c'est lui. C'est lui l'ennui? C'est lui. Il m'avait dit, je viendrai demain vers midi te réclamer mes 500 francs. Ben, le voilà. Alors, je disparais. Voilà, elle me laisse seule. Bonjour, les enfants. Alors, Charlot, toujours exact, tu vois? Ben, on peut pas t'en vouloir de ça. Ah non, hein? Je viendrai chercher mes 500 francs demain vers midi. Midi 10. Pas sur le fauteuil, tu vas te casser la gueule. Ah bon. Au fait, oui. Tu les as? Quoi, les 500 francs? Les 500 francs. Qu'est-ce que tu crois? Que tu ne les as pas. T'as gagné. Ça y est, j'ai gagné. Chérie! Oui! Il a gagné! Qu'est-ce qu'il a gagné? Je ne sais pas. Au fait, qu'est-ce que tu as gagné? Tu pourrais peut-être ne pas te foutre de ma gueule en plus. Mais comment veux-tu que je m'en tire? J'ai un ami, Charlot, un type charmant. Mais ne te fatigue pas. Il me prête 500 francs, sans explication, et si vite que ça m'a étonné moi-même. Je le rencontre 20 fois sans qu'il m'en reparle, si bien que je l'avais presque oublié. Et pour le récompenser de tout ce tact, moi, ce matin, je lui réponds que je ne les ai pas. Eh bien, c'est dur, tu sais. Je compatis. T'en avais vraiment besoin? On a toujours besoin de 500 francs. À qui le dis-tu? Ah ben je sais bien, tiens. Et moi, en ce moment, j'ai même besoin de ceux que je te dois, hein, si tu vois. Mais ton concerto! Nada. Oh, il est pourtant formidable. Tu l'aimes? Ah, ce passage sur la possession, là, c'est d'un osé. Oui. Dis donc, ils se prennent au moins 10 fois de suite, là-dedans. Bon, tout de même pas. Ce qui est sûr, c'est que j'y mènerai pas ma fille. À ce point-là? Et le solo de piston, quelle merveille. Tu veux que je te le joue? En acon. Ma mère, c'est mon vieux, on m'attend pour déjeuner. Ah oui, déjeuner. Ah, déjeuner. Ça va si mal? Ça va pas très fort. Et Isabelle? Ben, tu la connais, courageuse et tout. Elle rigole, pas un petit peu moins ce matin. Quelle femme épatante. C'est un grand bonhomme. Quand on parle de toi avec Chaussin, c'est ce qu'on dit toujours. Il faut tout de même qu'il ait quelque chose pour être aimé de cette femme-là. Ah oui, vous dites ça? Oui, moi, ben. Bon, ben alors, écoute, naturellement, tu ne peux pas me prêter encore 500 francs? Peut-être que si. Eh ben, tant pis, que veux-tu? Qu'est-ce que tu dis? Je dis peut-être que si. Non, mais t'es fou. Seulement en échange, il faut que tu me rendes un service. Eh ben, c'est bien ce que je disais, t'es fou. À qui veux-tu que je rende service en ce moment? Es-tu en bon terme avec ton cousin Olivier? En bon terme avec mon... Je l'attends pour déjeuner. Non! Seulement, j'ai même pas une pomme de terre à lui offrir. Mais alors, attention, mon vieux, mais attention, mais c'est très grave, ne fais pas l'idiot. Tiens, voilà, t'es 500 francs. No! 500 francs. Seulement, tu lui fous un déjeuner de derrière les fagots. Je ne demande pas mieux. Avec du caviar au besoin. Biguette! Oui! J'ai 500 francs pour le déjeuner. Mais quoi? C'est ce bon Charlot. Ça va, il est midi 20, allez, grouille. Je grouille. Alors, ne nous affolons pas. Émile. Oui, monsieur. Tu vas aller chez Barbinelli. Ah non, monsieur. Elle a raison. Faut que ce soit toi qui y aille. Moi, jamais de la vie, pourquoi? C'est trop long à vous expliquer. Ah bon? Alors, vous prenez quelque chose de prêt. Oui. Poulet froid. Homard. Salade. Foie gras. Fromage. Et puis des fruits. Exotiques. Exotiques. Et des fruits exotiques. Et alors, toi, un panier de Beaujolais chez l'épicier. Voilà. Et n'oublie pas, de la fine. De la fine? Mais j'ai mes raisons. Et mes sous? Et mes sous. Ah ben voilà. Mais ce sont mes 500 francs. Ah ben non, et c'est pour Émile. Alors, faut que je rajoute encore 500 francs. Ben, voilà, où est ton Barbinelli? Tout de suite en sortant à droite. Bon, oh, Charlot, vous êtes gentil, vous me rapportez une douzaine de roses. Je vais épater personne, mais c'est pour cacher les trous qui sont dans le mur. Permettez-moi de vous les offrir. Eh ben, c'est entendu, le fleuriste est en face. J'y vole. Voilà. Ah, dis donc, yo, Charlot, une seconde. Et dis donc, le service que tu veux me demander, là, c'est pas pour taper Olivier? C'est-à-dire, n'est-ce pas? Ah, ben alors, mon vieux, il n'y a rien de fait, hein, parce que moi, j'ai eu l'idée en premier. Je ne veux pas te taper, mais je vais te expliquer. Ah, alors, si c'est pas pour le taper, tout va très bien. Allez, grouille. J'agrouille. Charlot, la porte. Oh, cette manie. Jamais fermer ses portes. T'as vu? J'ai vu. À vous, nous serions bien bêtes de nous en faire. Avec nous, tout s'arrange toujours au dernier moment. En effet, mais si tu calcules un peu, en 15 ans... Déjà 15 ans? En 15 ans, ça fait 5000 derniers moments. 5000 fois que ça s'arrange. 5000 petits miracles. Tu n'as pas peur que nous épuisions notre chance? Peur que Dieu se fatigue? Dieu se fatiguer? De nous. Écoute, mon amour, est-ce qu'on a une nappe sans trou? Sans trou? Oui, sans trou. Sans trou. Ah oh ben non, mais celle-là est très convenable, hein? Tu comprends bien que je ne peux pas te fournir le superflu et le nécessaire en plus. Oui, mais je voudrais une fois dans notre vie avoir 3 jours d'avance. Eh oui, mais ça... Je sais. Attends. Évidemment. Si tu avais épousé Mortimer... Oh, Ah ben ne le calomnie pas, hein. Joli garçon, hein, et riche comme Crésus. J'étais assez fier, moi, que tu m'aies préféré. Dis donc, on dira que c'est un défaut de la porcelaine. Et puis on placera ton cousin devant le trou que tu as fait avec ta cigarette. Avec un petit peu de chance, il nous fera peut-être des excuses en croyant que c'est lui. Ah, il est pas bête, Charlot. Hein. Toi, tu dis ça parce qu'il t'a prêté de l'argent. Ah, non, c'est au contraire, non. Non, ça m'ennuierait plutôt pour lui. Et ben alors? Ben alors, il paraît que chaque fois qu'ils rencontrent Chaussin, ils disent du bien de moi. Oh, ben c'est gentil, ça, ouais. Alors. Ils disent, faut tout de même qu'il ait quelque chose pour être aimé d'une femme comme Isabelle. Mais tu as quelque chose. Oh, je parle pas de mon talent de musicien. Ah non, moi non plus. Ah bon? Mais alors, de quoi parles-tu, alors? Mais de toi, du personnage que tu es, de ton égoïsme. Oh, mais tu ne me dis pas que tu me vois tel que je suis. Je crois que si. Mais c'est épouvantable. Mais pas du tout. Tu es très bien, nous sommes très bien. Toi et moi, nous sommes épatants dans les embêtements. Reste à savoir ce que nous donnerions dans le malheur. Dans le malheur? Oh, il n'est pas question de ça. Mais on s'en fout de ça. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Je n'aime pas ce déjeuner. J'ai comme un pressentiment qu'il nous apportera la catastrophe. Oh ben, j'ai pas de pressentiment, moi. J'évite ainsi les bêtises qu'on fait en s'efforçant de les justifier. Je voudrais bien être la femme que tu crois. Mais enfin, mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais être quelqu'un comme toi. Égoïste? Non, insouciant, gentil, gay. Mais tu es gay! Les femmes ne sont jamais vraiment gays. On les amuse, tu m'amuses. Et encore pas toujours. Mais c'est bête ce que tu dis là. C'est vrai, quelquefois je te trouve trop gay. On peut être trop gay? Et tellement gentil que t'en deviens fade. Oh! Toi, t'es fatiguée. Oui, je suis peut-être fatiguée. Mais aujourd'hui n'est pourtant pas pire que d'habitude. Au contraire. Eh ben alors, tu vois! Je me demande ce qui peut te donner cette conception de la vie. Ah, parce que j'ai une conception de la vie, moi. Mais oui, tu crois que la vie, c'est une rigolade. Mais c'est une rigolade, chérie. Charlot qui s'amène avec ses 500 francs, c'est une rigolade. Je crois que j'ai compris. C'est le piston. Toi, tu crois que la vie, c'est quelque chose dans le genre de... Eh ben, tu vois que tu es gay. Ah oui, je vois pas pourquoi je serais la seule à me faire du souci. Eh ben, voyons. Car on va foutre un cendrier sur le trou. À la bonne heure. Oh, tu sais, ton père avait raison. Ah oui, ah ben ça m'étonnerait, c'était un vieux jeton. Un vieux jeton qui avait raison. Il disait, l'amour est vraiment la plus noble défaillance de l'intelligence. Qui donc? Voilà. Allez, attention, attention. Je suis chargé comme un... Attention, il y a trois marches. Une, deux, trois. Bon, tu as bien tout. Tout. Parfait. Tiens, mon amour. Oh, merci, mon chéri, parce que c'est gentil, ça me touche beaucoup. Tu permets? C'est moi qui vous les offre. Hein. Ah, mais oui, c'est lui qui. Oui, c'est lui. Bah, vous auriez dû prendre les moins chers. Ah bon? Le cousin va s'imaginer qu'on a acheté celle-ci pour lui. Ah bon? Si elles avaient été un peu fanées, il aurait pensé que nous en avions l'habitude. Bah, je vous demande pardon. Mais nous en avons d'habitude. Tiens, pour la Pentecôte, on en avait. J'ai fait aussi de la moutarde et des cornichons. Oh, merci. La moutarde était inutile. En 15 ans, nous n'avons jamais manqué de moutarde. Ah, quelle femme. Dis, au fait, qu'est-ce que tu voulais que je demande pour toi, Olivier? Ah, oui. Tu sais que les garages AWB sont à lui. Les garages AW, comme tu dis, aussi? Oui, rue du Poteau. Je ne suis que son gérant. Mais je ne le savais pas. Alors, figure-toi que Robillard va s'installer à Limoges. Alors, je voudrais que ton cousin me donne sa place à la fin du mois. Parce que tu comprends, le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, c'est quand même autre chose que la rue du Poteau. Je pense bien. Clientèle très chic, très snob. Dans 2 ans, moi, je pourrais m'installer à Limoges. Eh ben, bravo! Alors, il doit me fixer un rendez-vous après-demain. Il suffirait que tu lui glisses habilement un mot pour moi. Charlot! Oui? Charlot, est-ce que vous voyez encore les trous qui sont dans le mur? Les trous, quels trous? Bah, derrière ça, il y avait des trous dans le mur. Vous les voyez encore? Non, je les vois pas du tout. Et là, celui-là, là, non plus. Ah, celui-là non plus. Oh, merci. Oh. Je vais finir m'habiller, moi. Mmh, quelle femme! C'est Isabelle. Oui. Bon, je vais aider Emile à la cuisine, hein? Je peux me rendre utile? Tiens, oui, mais dans le... Le Beaujolais en carafe. Le Beaujolais en carafe? Bah oui, mon vieux. C'est plus distingué. Oh, la classe, quoi. 360 francs. Voilà votre monnaie, monsieur. Oui, eh bien, tu diras que tu as oublié de me la rendre. Ah bon? Vous les aimez bien, hein, vous aussi? Eh oui, je les aime bien. Ils sont fous, n'est-ce pas? Ah, ne va surtout pas t'imaginer une chose pareille. Ils s'aiment, tu comprends. Alors nécessairement, ils ne ressemblent pas aux autres. Maman dit qu'ils sont fous. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé à sa place. Elle veut plus travailler ici. Seulement, paraît que ça m'apprendra la vie. Eh bien alors, c'est ta mère qui est folle. Si tu apprends la vie ici, tu es foutu. La marche du homard! Je l'avais reconnu! Ah! Ah, ça évidemment! Oh, je voudrais mourir pour eux! Mais tu seras plus utile à la cuisine! Vous croyez? Oui, allez, file! Et comme dessert, qu'est-ce qu'on a? Chouette! Des framboises! Oh, oh, oh! Ça y est, j'ai terminé! Il n'y a plus de Beaujolais, Auguste! Eh ben, c'est parfait! Ah! Mais ne parlons plus de ça! Merci pour tout, mon vieux Charles. Ne parlons plus de ça. Non, tu veux dire plus jamais? Ah non, je veux dire, on n'en parlera plus ce matin. Ah oui, oui, oui, plus jamais, c'était trop beau. Tu sais que je rentre de ce genre de conversation. Et ça tombe bien, moi aussi. Mais que la foudre m'écrase si mon premier argent n'est pas pour toi. Non, c'est rien, c'est rien. Ce sont les travaux à côté. Ah, tu as eu peur, hein? Tu as cru que la foudre s'occupait de toi. Ben dis donc, mets-toi à ma place. Ben, cela dit, je ferai quand même tout ce que je pourrai. Alors, tu penses à mon garage? C'est juré. Mais au fond, tu es épatant. Eh oui. Pour garder un ami comme toi, il faut tout de même que j'ai quelque chose. Allez, ciao, ciao. Ciao. Au revoir, Isabelle. Au revoir, maman Charlotte. Ah, décidément, je vous aime bien tous les deux. Quel chic type, hein, ce Charlot! J'adore! Dis donc, comment vas-tu lui rendre ces 1000 francs? Ah ben non, il a dit que ça ne pressait pas. Et encore! J'avoue que je comptais un peu sur Olivier. Tiens, Auguste, compte sur moi. Vous n'allez pas écouter? Oh que si, je suis très curieux, ma chère. Je sais. Alors, il est joli garçon? Qui, Olivier? Ah oui, Olivier, il est bien. Il est mieux que ça. Et vous ne vouliez pas que j'écoutasse? Il est merveilleux, c'est élégant, de la classe, de l'allure. Merci, Auguste. Beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu m'as pas dit aussi qu'il était très intelligent? Très. Je ne sais plus où me mettre. Il a défendu les patentes, il m'a dit un jour. Je ne sais pas si j'étais visé. C'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Oh, très bien. Oui, ce n'est pas mal. Dis donc, je ne voudrais pas essayer de jouer au plus fin avec lui. Oh, mais j'essaierai pas. Je lui dirai tout, carrément. C'est tellement mieux. Surtout qu'il est spirituel aussi. Oh, c'est trop, c'est trop. Pas du tout. Il a toujours l'air de se foutre de ma gueule. Pas toujours, non. Et elle? Elle? À vous, ma chère. Elle, elle est exquise, simplement. Des yeux sublimes, des cheveux superbes, un sourire désarmant et une gentillesse. Enfin, ils forment un couple sensationnel. Je suis gênée. Et elle l'aime? Mais elle parle pas beaucoup, on peut pas savoir. Je croyais que ça se savait. Il semble que non. Ben, ce qui est certain, c'est qu'elle lui pardonne tout, hein. Et je te prie de croire qu'elle a du travail. Ça se gâte. Il se conduit mal avec elle. Un vrai salaud, oui. Il l'aime donc pas? Ben... Vous allez les laisser parler de nous. C'est très intéressant. Dis, chérie. Oui? Chuchote pas comme ça, parce que je comprends pas bien ce que tu me dis. Mais je le dis encore, rien, non, je réfléchis. Ce Olivier est tellement compliqué. Il la torture, mais... il l'aime, peut-être. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas envie de penser à ça. Elle était peut-être snob. Enfin, lui était sûrement pauvre. Elle a peut-être voulu être sue. Enfin, lui a sûrement voulu ne plus être pauvre. Oh, un ménage comme il y en a tant. Parce qu'elle a beau être jolie, hein. Tu peux être sûr qu'il s'est surtout intéressé à son argent. Oh. Ah, mais je te jure que si. Moi, je te dis pas le contraire. Ben, si, tu dis oh. Pourquoi veux-tu que je te dise oh? Alors tu bois, toi aussi? Comment moi aussi? Parce qu'elle boit ce qu'on dit. Oh, faites-le taire. Non. T'as pas vu ce que j'ai acheté comme vin rouge? Elle boit du vin rouge. Elle boit tout ce qu'on lui donne. On n'a jamais su si c'était par goût ou parce qu'elle essayait d'oublier. Mais en ce moment, la pauvre, hein, elle doit essayer d'oublier qu'il est avec un mannequin. Quel gaffeur, vous ne le saviez pas. Oh, dis pas tout le temps rose, c'est agaçant. Oh, me dis pas de ne pas dire rose. Et puis, ce n'est pas tout, hein. Il a bien failli aller en prison. Et pas à cause de la politique, non, non. On l'avait même chassé de son cercle. J'y suis rentré. Il y est rentré. À notre époque, l'honneur, ça repousse. Oh, c'est bien vrai. Enfin, pour nous résumer, une vraie petite vache. Cher Auguste. Si encore il se servait de son argent pour faire le bien, hein, s'il nous en donnait un peu à nous. Il compte pas trop. Non. En effet, il paraît qu'il est très dur à la détente. T'as pas de chance. C'est égal. La gueule qu'il ferait s'il nous entendait. Je vous entends. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, je vous entends. Ah oui. C'était bien de moi que vous parliez. Ça dépend. Depuis quand es-tu là? Je suis arrivé à la vraie petite vache. À la... Oh, bon, on parlait déjà plus de toi. Oh, vraiment? Oh, bon, ne sois pas bête. Bon, on parlait de quelqu'un de très dur à la détente. Tu penses bien que c'était pas de toi, hein? Toi, tu n'es pas dur à la détente. Et de qui parliez-vous alors? Tu connais pas Chaussin. Chaussin. Chaussin est généreux comme le soleil du midi. Eh ben, pas avec moi. J'ai dit, pourquoi oui? Tu ne dis plus rien? Ah ben, c'est parce que le cousin est là, Biquette. C'est une catastrophe. Non, ne t'inquiète pas, il vient d'arriver. Tout va très bien. Ah bon? Il est entré au moment où on parlait de la petite vache. Oui. Et Olivier a même cru un instant qu'il s'agissait de lui. Non, mais crois-tu que c'est drôle? Très drôle. Alors j'ai dû lui expliquer qu'on parlait de Chaussin. Chaussin? Eh ben oui, tu connais Chaussin. Mais non, mais elle le connaît très bien. Bon, alors tu te dépêches, hein. Mais vous l'excuserez? Bien sûr. Vous ne dites pas bonjour au cousin Auguste? Bonjour, mon cousin. Ah, cousine, je suis enchanté de vous revoir. Vraiment. Oh, vous permettez? Le téléphone. Allô. Mais oui. Ah, Auguste Taillade. Ah, Auguste Taillade, moi, pas connaître. Ah non, ici, Fedor Pavlovitch Polyakov. Comment, c'est vous, Polyakov? Ah, c'est vous, c'est lui, Polyakov. Oui, d'accord. Eh ben alors, da. Et puis, ni de chevaux, hein? Oui. Ben, c'est quelqu'un qui se trompait de numéro, ça. Ah, Auguste, vous n'auriez pas la monnaie de 500 francs? Non. Merci tout de même pour le compliment. Non, j'ai bêtement rentré la voiture dans un camion, nous avons dû prendre un taxi, et le chauffeur n'a pas de monnaie. Ah, attends. Voyons. Émile? Oui, monsieur? Oui, c'est Émile. Voyons, tout à l'heure, chez Nicolas, est-ce qu'on vous a rendu la monnaie? Vous voulez pas? Mais j'ai tellement gueulé qu'on me l'a rendu. Excusez-la. Et est-ce qu'on vous a rendu? Est-ce que vous l'avez rendu au monsieur? Non. Eh ben, t'es rudement intelligente, tu sais. C'est le monsieur qui a pas voulu. Ah, non, mais j'ai vraiment des amis épatants. Bon, alors, c'est pas tout ça. Bon, alors, Émile, tu vas descendre? Si vous le permettez, mon cousin, j'irai moi-même. Non, mais laissez donc. Vous ne connaissez pas Sophie, elle n'en fait qu'à sa tête. Merci. Merci, mon cousin. Mais je vous en prie. Elle a vraiment des yeux sublimes. Qui? Ah, Sophie. Et pourquoi dis-tu ça? Ah, parce que je le pense. Vous ne trouvez pas qu'elle a des yeux sublimes? Si. Ah, oh, bon, je me disais aussi. Vous seriez bien le seul. Pas sur le fauteuil, tu vas te casser la gueule. Merci. Oh, pourquoi vous l'avez prévenu? Allez, file, t'as du travail à la cuisine. Ok, barbe. Oh, pas très stylé, votre camériste. Non, camériste. Eh ben, tiens, c'est toi, mon Dieu. C'est solide, c'est solide, ça. Mais ça aussi, tiens, tu seras bien ici. Là? Oui, tiens, ça vient. Voilà. Ah oui, ça, c'est... Oh. C'est un défaut de la porcelaine. Je vois. Merci. Au fait, qu'est-ce que c'est que ce type que j'ai rencontré tout à l'heure dans l'escalier? Quand il m'a aperçu, il a détourné la tête. Ah oui, pourquoi veux-tu qu'il fasse ça? Ah, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je le connais. Hein? Oh non. Dis-moi, j'ai hâte de parler. Nous pourrions peut-être profiter de ce que les femmes ne sont pas là. Vous cachez des choses à votre femme? Moi? Ça, je lui ai pas menti une fois en 15 ans. Oh, même pas en mission? Pas une fois. Oh là là! Encore une histoire d'amour, pas comme les autres, pas comme les autres. Probablement. Enfin, d'ailleurs, la question n'est pas là. Hein? En effet, oui. Ah! Mon cher Olivier, quel ennui de ne pas avoir de chance. Je ne sais pas, j'en ai. Remarque, tu vois, moi je désire pas réussir trop vite, parce qu'on ne sait plus que faire après. Enfin, évidemment, si on regarde les choses en face, il faut avouer que le piston ne nourrit plus son homme. Mais pourquoi n'avez-vous pas accepté les propositions que vous en faites braquer d'abord et hugonner ensuite? Avec l'argent que j'ai refusé, j'ai acheté un peu de liberté. Oh, c'est joli. Très belle réponse de cigale. Mais quelqu'un de moins poli que moi serait sans doute en droit de vous dire, eh bien, dansez maintenant. Oh, c'est votre femme. C'est Isabelle. Alors là, mon cher Auguste, bravo. Je vous remercie. Quels yeux. Oui. Et quel sourire. Oui. Quelle silhouette. Oui. Et quel mystère. J'aime déjà moins ça. Ah, et pourquoi? Le mystère n'est pas une qualité pour le mari. Mais comment avez-vous osé? Je comprends pas très bien. Enfin, comment a-t-il osé vous cacher pendant 15 ans? Mais c'est moi qui me suis cachée. Pour être heureuse? Naturellement. Avec Auguste? Avec Auguste. Alors là, bravo Auguste, encore une fois, bravo. Ton cousin est très enthousiaste. Ah oui? Dis donc, nous étions en affaire, Olivier oui. Et moi. Je reviens dans 5 minutes. Non. Comment non? Son histoire ne s'annonce déjà pas comme quelque chose de très amusant. N'est-ce pas? Non, c'est pas une histoire tordante. Alors, vous n'allez pas me punir, vous aussi, en vous en allant. Vous punir? Non, je vous en prie, restez. Alors, puisque vous insistez si gentiment, je... Oh, je vous écoute. Alors, je serai bref. Faudrait que tu me prêtes 3 millions. Enfin, 30 000 francs. C'est entendu. Comment c'est entendu? Tu me demandes même pas pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il y a un petit bar, salon de thé, très gentil, très coquet, à Auteuil. Tu m'écoutes pas? Ah, si, très coquet à Auteuil, oui. Non, avec 3 millions, il nous prendrait pour associés. Bon, je jouerais du piano d'abord, et puis après, quand ça marcherait, je pourrais reprendre le piston avec un petit orchestre. Okay, écoutez, vous n'allez pas me raconter votre vie, je vous dis que c'est entendu. Je te remercie. Oh, je vous fais le chèque tout de suite. Si tu veux. Hein. Quelle est la date? Elle est à retenir. Le 12 mai. Non, j'ai l'air de me répéter, mais alors là, franchement, Auguste, encore une fois, bravo. Vous êtes sûr que nous pouvons accepter? Sûr. Auguste aussi. Auguste, surtout. Alors je vous remercie, moi aussi. Eh bien, voilà. Maintenant que les relations sont rétablies, j'espère que nous allons nous voir tout le temps, n'est-ce pas? Oh, oui, pas du tout. Nous allons avoir beaucoup de travail. Ah, parce que vous travaillez, vous aussi? Mais naturellement. Oh, mais ça, c'est assommant. Mais vous viendrez nous voir, au bar. Ah oui. Et puis si vous nous amenez vos amis, nous pourrons vous rembourser à la fin de l'année. Non, ne parlons pas de ça. Ah si, voilà, parlons-en au contraire. Ça, nous vous sommes très reconnaissants de la chance que vous nous offrez, mais nous devons la mériter. Non, écoutez, demandez-lui de ne plus parler de ça. Oui, il a raison, parlons plus de ça. Jusqu'en décembre. Ah oui. C'est bizarre, vous savez, je vous montre pourtant beaucoup de sympathie, et on dirait que vous avez peur de moi. Moi? Je suis pourtant pas le diable. Tant pis, ça m'aurait intéressé. Je vous suis pas sympathique? Très. Le plus subtil mensonge des femmes, c'est peut-être de mentir mal. Je mens mal? Assez pour me faire savoir que je ne vous suis pas sympathique. Dis donc, Olivier, tu voudrais pas me dire un mot de temps en temps? Je ne vous suis pas sympathique, hein? Mais si! N'est-ce pas, ma cousine? On le serait à moins. Il vient de nous prêter 30 000 francs! Oui! Sa fille ne s'intéresse pas à ces détails. Sauf pour vous féliciter aujourd'hui. Bonjour ma cousine, vous êtes bien jolie. C'est vous qui me dites ça. Et encore, elle n'est pas à son mieux. Il faut la voir quand elle n'a pas les yeux rouges. Il paraît. Oui, c'est une poussière dans l'œil, probablement. Oh non, j'ai peur qu'aujourd'hui ce soit leur couleur naturelle. Ai-je donc dit quelque chose qui vous ait peiné? Vous êtes probablement la seule personne qui ne puisse me faire de peine. Voilà un déjeuner qui s'annonce bien. J'ai une femme parfaite qui comprend tout, qui excuse tout. Malheureusement, je ne la mérite pas. Soyez donc naturel. On pourrait peut-être se mettre à table. Excellente idée, ma cousine. Oui, je vous en prie, mettez-vous ici. Voilà, merci. Merci. Voilà. Alors, voulez-vous vous placer à ma droite? Voilà. Oui, avec plaisir. Voilà. Je t'en prie. Voilà. Oh, attends, je crois que tu seras mieux si tu es la même. Voilà. Oh, pardon. Moi, chérie, tu te mettras là. Oh, sur le petit table. Oui, sur la... Il est normal que ce soit toi qui aies le soleil dans l'œil. Hein? Ouais, moi, le soleil ne me gêne pas. Tu sais. L'habitude de vous regarder, jolie cousine. Émile? Le homard. Oh, le homard. Est-ce que je pourrais boire un peu d'alcool, s'il vous plaît? Ah, oui, mais certainement. Figurez-vous que cette pauvre Sophie a appris ce matin les petites blagues que je faisais avec un charmant mannequin. Oh, de toutes petites blagues. Émile, apporte la fine. La quoi? La fine. Avec le homard, quelle drôle d'idée. Elle est impayable. Impayable, ça c'est le mot juste. Je ne saurais pas la déboucher. Excusez-moi, vraiment, il faut tout faire par soi-même. Excusez-moi. Ah, vous êtes charmants tous les deux. Charmants, vous êtes des phénomènes. Des phénomènes. Les statistiques démontrent que l'amour partagé est coté cette année à 3,5% contre 21% en 1964, 17,5% de perte. Et c'est normal d'ailleurs, la mer se retire tous les ans de 1,22 m. Ah. Oui, vous faites donc partie des 3,5%. Ah. Et vous vivez ici depuis 15 ans, vous réussissez ce tour de force? Nous avons tout de même 3 pièces. Oh, tout de même, oui. Merci. Il faudra que je vous invite à Gros Rouvre. Ils appellent ça le château, ce n'est pas un château, mais enfin, il y a de la place. Vous verrez qu'on peut tout de même vivre ailleurs que rue de l'Abreuvoir. Ne l'écoutez pas. Je ne vous demanderai pas d'y vivre, Auguste ne s'y plairait pas. Isabelle non plus. Je n'en suis pas tellement sûr. Je connais ma femme. Connaître les femmes, c'est savoir qu'on ne les connaît pas. Oh non, mais je te dis, il a des formules étonnantes alors. Même une femme d'une seule pièce comme Sophie, je ne suis pas sûr de la connaître. J'espère que non. Je connais Isabelle. Il me connaît. Que ferait-elle d'un château? Nous n'avons été qu'une seule fois en vacances, à Vichy. Non, tu vas pas raconter cette histoire. Mais, si. Et alors à l'hôtel, on nous a montré une chambre à 2 lits. Et Isabelle a demandé dans lequel coucherons-nous. Oh, c'est adorable. Oh, vous avez dit ça? Oui, je l'ai dit. Et en été? Au mois d'août. Oh, ça alors. Il ne peut pas comprendre, il n'a jamais aimé personne que lui-même. Ma chère, qui aimait? Il est superbe. Vous, peut-être? Enfin, si ce vénard d'Auguste ne s'en était pas chargé. Il plaisante. Pas du tout. Et vous? Enfin oui, une femme comme vous. Vous montez à pied 6 étages. Ah, il n'a pas aimé ça. Pour retrouver cette mansarde. Pour vous asseoir dans ce fauteuil vermoulu. Hein? Pour manger dans ces assiettes. C'est un défaut de la porcelaine. Et sur ces nappes, brûlées par des cigarettes? Derrière des murs dont nous cachons tant bien que mal les trous avec des fleurs. Derrière des fenêtres qui donnent sur un cimetière. Ne t'énerve pas. Vous lui faites tellement plaisir. Non, c'est stupide, excusez-moi, je vous demande pardon. Non, ne vous excusez pas, votre réaction est des plus intéressantes. Mais alors, je me demande si j'ai bien fait de vous prêter cet argent. Ah, mais c'est rigolo, ça, là. Mais Auguste, je suis extrêmement sérieux. Dans votre tea bar, vous allez voir d'autres gens et connaître une autre vie. Et je me demande si vous n'allez pas vous sentir encore plus pauvre. Ne lui répondez pas, ne lui répondez rien. Ah non, mais je ne parlais que dans votre intérêt. Alors, Émile... Sommard! Auguste est un véritable grillon du foyer. Il est charmant. Oh, vous avez bien dit ça. Vous dites tout très bien, d'ailleurs. Même les choses les plus insensées. Mon cousin. Oh, je sais que ce sont là d'innocentes plaisanteries. puisque vous les faites devant votre femme. Oh, moi, je ne le gêne pas. Mais vous ne devriez pas continuer de vous moquer de moi plus longtemps. Je me moque, moi. Puisque vous le faites, il est certainement très normal de regarder une femme dans les yeux en cherchant son pied sous la table. C'est pas tellement normal. Mais Auguste n'a pas l'habitude et il va se fâcher. Auguste se fâcher, oh. Oh, tu es bien de la famille, toi. Tu as le bon rire des taillades. Je ne trouve pas. Je dois me tromper, alors qu'est-ce qui te faisait rire? Il se homard, il vient se homard. Nous avons un petit retard. Je voulais demander ce qui me faisait rire. Eh oui, oui, tu ris pas souvent, là. Il fallait que ce soit drôle. Jugez-en, Isabelle disait que vous alliez vous fâcher. Ah oui, tu disais ça? Ah oui, que c'est drôle. Isabelle me connaît bien, si elle le dit, c'est que je vais le faire. Je voudrais voir ça. Je la décevrai même, probablement, si je ne le fais pas. Bon, ton cousin veut se rendre intéressant, nous... Nous plaisantions. Il plaisantait. Dis donc, toi, t'as dû manquer de tact. De tact? Volontairement. Ne te fâche pas. Volontairement. Ah, bon. Seulement, tu vas comprendre tout de suite... Il faut pas en manquer si tu veux que je garde ton chèque. Ah, oh, je comprends, oui. Bon, en temps normal, moi, tu sais, je suis pas du tout susceptible, mais... J'ai compris. Tant mieux. J'ai compris, mais je ne suis pas convaincu. Vous faites semblant d'être énergique. Je fais semblant d'être épaté. Sophie fait semblant de vous croire. Isabelle fait semblant d'être révoltée que je lui fasse du pied sous la table. Quoi? Mais nous savons tous très bien que vous ne vous fâcherez pas. Rends-lui son chèque. Ne soyez pas bête. Sophie a raison, ne soyez pas bête. Plus un geste est joli, plus on le regrette, et celui-là serait très joli. Rends-lui son chèque. Ben oui, mais je... Ah, voilà. Tiens. Merci. On se fout de ton chèque. Oui. Nous n'avons jamais eu d'argent. Ça fera que 3 millions de plus que nous n'aurons pas. Que vous n'aurez plus. Car vous les avez eus. Ce n'est pas la même chose, vous verrez. Pauvre type. Pauvre salaud. Oh oui, ça je sais, hein. Tu avais tout combiné, hein. Et surtout que tu nous obligerais à te les rendre. Hein? Dis-le donc. Et moi qui vous croyais stupide? J'aurais bien voulu. C'est un monstre. Une vraie petite vache, comme vous disiez. T'as entendu toute notre conversation, hein? Eh oui, c'est mon excuse. Oh, Sophie, vous avez entendu aussi? J'en ai entendu bien d'autres. Comme dit Olivier, je suis blindée. Mais il sera puni. Oh, vous serez puni. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là, t'as eu peur, hein? Non. Il a eu peur, dis donc. Il a cru qu'on allait le punir. Allez, Omar. Non, trop tard. Comment, trop tard? Nous allons être obligés de prendre congé. Vous venez, Sophie? Une seconde. Oh, Sophie, je vais avoir l'air mufle. Mais maintenant, j'ai plus les moyens de me permettre un autre joli geste. Alors, pourriez pas me rendre la monnaie du taxi? Oh, je vous demande pardon. Voilà. Merci. Et il vous doit encore 37 francs. Je compte sur ton mandat. Télégraphique, si possible. Télégraphique, oui. Essayez de ne pas m'en vouloir. Je suis sa femme, malgré tout. Isabelle, je suis désolée que vous soyez la victime de cette lutte fratricide. Mais il est bien entendu que je reste votre amie dévouée. Et que vous n'aurez qu'un geste à faire. Crache-lui au visage. J'ai pas de salive. J'en ai, moi. Fous le camp. Quant à vous... Fous le camp, je te casse la gueule. Je pense à celle que vous ferez dans une heure. Olivier, je vous attends, Olivier. À très bientôt, Isabelle. À très bientôt. Je lui ai mis de la carafe sur la tête. Oh, le salaud. Oh, le salaud, le salaud, le salaud, le... Oh, il ne manquait plus que ça. Tu pleures? Dis, tu pleures. Biquette! Biquette, c'est pas pour les 3 millions. Dis! Dis! Pardon, mon chéri. Je te demande pardon, mon chéri. Auguste ? Auguste ? 8h15. Allô ? Non. Non. Je vous répète que non. Et vous pourrez dire à Monsieur Olivier que je quitte Paris. Non, mon petit. Si, si. J'étais en train de dîner à la maison et subitement j'ai dit à maman, monsieur et madame ont sûrement besoin de moi, il faut que j'y aille. Tu t'es trompée? Je suis sûre que vous avez besoin de moi, je le sens. Même si vous me disiez que non, je ne le croirais pas. Bien, je t'assure que tu t'es trompée. Nous n'avons absolument pas besoin de toi. Monsieur non plus? Non, monsieur non plus. Je lui demandais. Inutile. Il n'est pas rentré. Pas rentré? Mais il est plus de 8 heures. Eh ben oui. Vous avez pleuré? Moi? Oh, vous le savez peut-être pas, mais vous avez pleuré. Qu'est-ce que tu m'as imaginé, là? J'ai froid, ferme la fenêtre. Vous avez froid, on étouffe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est depuis que le salon est venu. Lulu. Quoi, c'est un salon, monsieur le dit tout le temps. Mais c'est pas une raison pour le répéter. Oh, depuis ce déjeuner, monsieur n'est plus le même. Toi, tu trouves que c'est monsieur? Forcément. Ça l'énerve, tous ces paquets, toutes ces corbeilles que l'autre vous envoie. J'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais détester les fleurs. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il espère, cet imbécile? Comme tu es gentil, mon petit. Mais je te comprends pas très bien, voyons. Enfin, tu dînais tranquillement chez toi et... Et subitement quoi? Je pensais à vous deux, comme d'habitude. Tu penses à nous, d'habitude? Tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Maman est une bonne grosse, mais ne viendrait pas l'idée de penser à elle. Oh. Et là, subitement, j'ai eu comme un pincement au cœur. Terrible. Il a fallu que je vienne. Parce que nous avions besoin de toi? Oui, monsieur surtout. Tu craignais un accident? Non, non, c'était pas dans ce genre-là. Alors quoi, dis-moi vite. Je sais pas, c'était... C'était terrible. Le voilà. Au revoir, madame Isabelle. Bonsoir, Émile. Bonsoir, monsieur Auguste. Pot, pot. Oh. Oh, dis donc. Ah, on peut dire que tu es cerné par les fleurs. Hein? On voit plus les trous dans le mur, faut être juste. Pourquoi rentres-tu si tard? Seulement moi, je vais avoir l'air idiot avec mon brin. Tu permets, chérie, un petit brin de muguet? C'est un porte-bonheur. T'en auras besoin. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi dis-tu ça? Ben, je dis ça parce que je te jure que tu vas en avoir besoin. Je te le jure. Sur la tête de ta mère. Tiens, elle va bien rigoler, ta mère. Enfin, elle sera la seule à rigoler, pauvre vieille. Je comprends pas un mot à ce que tu me dis. Tu me trouves bizarre, hein? Je sais pas encore. Non, mais je suis sûr que tu me trouves bizarre. Peut-être un peu, oui. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que je suis bizarre. Et alors maintenant, demande-moi pourquoi je suis bizarre. Pourquoi? Eh ben, je peux pas te le dire. Je peux pas encore te le dire. Il faut d'abord que je te prépare. Je suis calme aussi, hein? Je ne sais pas, oui, peut-être. Non, mais tu me trouves pas calme? Probablement. Eh ben, c'est idiot parce que je devrais pas. Je suis trop calme, mais ça m'inquiète. Ben, dis donc, dans quel état tu es, toi? Dans un état complet d'ébriété. Tiens, tiens. Ben, on dirait que ça te fait plaisir. Plaisir? Ben, merci. Ben, oui, oui, tu me fais pas de reproches. Tu me demandes pas pourquoi je me suis mis dans cet état. Ah, si, je te le demande. Pourquoi? Eh, Eh ben, je peux pas te le dire non plus. Tout ça se tient. Je suis... Chut. Je suis sous parce que je suis bizarre. Tu as des ennuis ? Non, mais je vais en avoir. Ah oui ? Mais tu m'écoutes pas ? Non. Oh, mais c'est qu'il le faut. Je regrette, mon chéri, on parlera demain, si tu veux. Ah non, mais demain, il sera trop tard. Non. Mais regarde-moi, toi, mais qu'est-ce qui... Oh, dis donc, tu vas pas pleurer pour ça. Pleurer pour quoi ? C'est le punch du tabac de la galette, moi. Ils avaient un punch. Oh. Ils en ont plus. Est-ce que nous ne pourrions pas partir ? Comment partir ? Où c'est à partir ? N'importe où, chez ton frère, à la campagne. Ça, nous ne pouvons pas partir, moi j'aurais l'air... Ah non, ah, nous ne pouvons pas. Mais enfin, le voyage n'est pas cher. Nous ne pouvons pas, je te dis. Et puis on viendrait pas nous chercher là. Eh bien, au contraire, ce sera leur première idée. Et à qui ? Tu veux pas me donner mes chaussons, s'il te plaît ? Parce que c'est probablement la dernière fois que je les mets. Hein, qu'est-ce que tu dis ? Avant d'en faire. Tu vas continuer à parler par énigme ? Tu vas continuer à parler par énigme. Oui, oui, je vais continuer à parler par énigme pendant un petit bout de temps encore. Tiens, passe-moi la fine, je crois qu'il y en a là. Ah bon, tu ne trouves pas assez sous comme ça ? Non, c'est... Jamais assez. Tout ce que j'ai fait n'est rien. Le plus difficile, c'est de te le dire. Parce que tu as fait quelque chose, toi ? Oh non, écoute, mon amour, ne me pose pas de questions. J'ai déjà bien du mal à comprendre ce que je dis. Surtout qu'il ne faut pas que ce soit trop clair. Je suis pas trop clair, au moins. Oh, ça non. Ah, mais tant mieux. Tu veux pas t'asseoir ? Non. Mais étant donné ce que j'ai à te dire, tu ferais peut-être mieux de t'asseoir. Bon, alors, si tu y tiens, voilà. Où est la fine ? Sous ton nez. Ah oui, mais voilà, où est mon nez ? Oh, alors, tu vas me dire, c'est pas le moment de faire le guignol. D'ailleurs, j'ai pas rigolé de l'après-midi, c'est tout dire. Oh, c'est pas possible, ça. Eh oui, tu me diras, la vie n'est pas un amusement, hein ? Mais moi, je te répondrai, la vie... C'est pas grand-chose. Comment tu dis ça, toi ? Eh oui, je dis ça, moi, j'irai même plus loin. Il n'y a qu'une chose certaine dans la vie, c'est qu'on la perd. Ah ! Et elle n'a jamais été si courte, d'ailleurs. Hein? Remarque, courte et bonne, hein? c'est déjà pas si mal, mais enfin, il faut reconnaître qu'elle n'a jamais été si courte. Et alors ? Tu me diras que le vrai courage, c'est de vivre, tu n'auras pas tort. Mais moi, je te répondrai... Faux pouvoir. Faux pouvoir. Moi, je vais te dire une chose, hein. Ce que je salue dans la mort, c'est l'immortalité. Alors, bon. Et je suis quand même logique, hein, parce qu'enfin... Ah non, là, je vais tout de même un peu trop loin. Oui, je crois aussi, oui. D'ailleurs, à propos d'Olivier... Il n'est pas question d'Olivier. Ah, mais si. La vie courte et bonne. Courte, surtout. C'est lui. Qu'est-ce que tu racontes ? Olivier ? Olivier. Il serait ? Il est. La preuve, je le salue, c'est tout dire. Olivier ? Olivier ? Ah ben, ça te cause pas beaucoup de peine, hein ? Ben si, un peu tout de même. Ben alors, on dirait presque que ça te fait plaisir. Plaisir. Tu sais, t'es vraiment agaçant aujourd'hui, Auguste, c'est vrai ça. Ça me fait plaisir que tu es souple, plaisir que ton cousin Olivier... Mais oui, quand t'as répété son nom pour la deuxième fois, j'ai eu l'impression que tu pensais c'est pas possible, ce serait trop beau. Juste... Eh ben que veux-tu, il faut en prendre ton parti, c'est trop beau. Hein, remarque, moi j'avais toujours eu l'impression, hein, tout ça finirait mal. Quoi tout ça ? Ben tout, Olivier. C'est pas possible, c'est encore tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, rien. Il ne répond pas. Mais comment veux-tu qu'il réponde ? Allô ? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Olivier Taillade ? Ah bon, il n'est pas rentré. Mais comment veux-tu qu'il rentre ? Non, rien, merci. Ils ne savent rien. Enfin, tu trouves normal, toi, qu'ils ne sachent rien chez lui. Ils savent pas ce que je sais. Enfin, écoute, c'est drôle que personne ne les ait prévenus. Ah ben oui, là t'as raison. Parce que tout de même quand Lucien est remonté avec la glace et... Oui, enfin, nous comprendrons plus tard. Ça m'étonnerait, mais... Mais dis-moi... Oui. Comment es-tu au courant, toi, de ce que sa femme ignore? Et de ce que tout le monde semble ignorer? Ah, voilà. Tu vas comprendre. Enfin! C'est le hasard, que veux-tu? Comme il le disait, Olivier, très justement, c'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin. Oui. Et alors, enfin, pour nous résumer, il faut pas que tu m'en veuilles. Tout ça, c'est très mal arrangé. J'ai vraiment pas eu de chance. Lui non plus, d'ailleurs. Enfin, en un mot commençant, je l'ai tué. Tu l'as tué? Ah, mais je n'ai été que le bras, hein, parce que ne nous y trompons pas. Ce qu'il a tué, ce sont les vacheries qu'il a faites et celles qu'il allait faire. Mais enfin, à première vue, si on ne pèse pas le pour ou le contre, c'est moi qui l'ai tué, il n'y a pas d'erreur. Tu l'as tué, mais comment? Oh, bêtement. C'est comme toujours, il y avait un presse-papier qui traînait. Piouf, je lui ai tapé sur la tête. Et il était lourd, ton presse-papier? Mais on se rend pas compte, tu sais, rien ne paraît lourd dans ces moments-là. En fait, tu l'as pas laissé se défendre. Ah ben j'avoue, j'y ai pas pensé. Meurs pas comme ça, c'est inadmissible, ça. C'est... Encore le téléphone? Oh, est-ce que tu peux être obstiné? Auguste! Pardon. Remarque, c'était un air triste, mais enfin... Allô? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Olivier Taillade? Oui, à Monsieur Olivier Taillade, oui. Oui, c'est moi. Ah bon? Non. Non, bien, merci. Il avait dit qu'il rentrerait à 7 heures sans faute. À qui? 7 heures. Il est presque 9 heures. Et Olivier n'a pas téléphoné. Alors ils sont sans dessus-dessous là-bas. Ah ben, y a de quoi, dis donc. Enfin, mon chéri, mais c'est pas possible, ça! T'as pas tapé si fort que ça! Tu crois? Et puis t'as sûrement pas tapé longtemps! Oh non, pas longtemps! T'étais probablement déjà ivre! J'étais passé au tabac de la galette! Ils ont un punch, tu me l'as déjà dit! Ils en ont plus, malheureusement! Alors t'étais tellement ivre que t'as peut-être tapé à côté! Oh, ça faisait bang! En tout cas, les blessures au crâne, on en meurt, ou c'est rien du tout! Oh, rien du tout! Rappelle-toi Robillard, quand il est entré la tête la première dans un platane! Oui, mais le platane lui a pas tapé dessus! Oh! C'est insensé, c'est pas possible, ça... Comment tu as fait une chose pareille, toi? Ah, ça, je me le demande, alors. Et comment est-ce arrivé? Oh non. Oh non, tu veux pas que je te raconte? Ah si, je veux. Oh, c'est trop bête, moi, je commençais déjà à tout oublier. Pourquoi as-tu vu Olivier? Eh ben, moi, je voulais lui expliquer que mon salon n'était pas un caveau de famille. C'était rigolo, non? Non. Non. Ah ben alors voilà, d'ailleurs la question n'est pas là. Il faisait une chaleur. Alors on va passer le punch, tu vas t'asseoir. Oui, on va passer le punch. Voilà. Et alors, dis donc, il m'a laissé moisir dans l'antichambre pendant 3 bons quarts d'heure. Et comme ils avaient fermé les volets, on n'y voyait même pas pour lire. Alors, j'ai bavardé un peu avec le garçon de bureau, Lucien. Il fera jamais rien, ce garçon-là. Je t'en prie. Oui. Et alors, l'Olivier a sonné, il a envoyé Lucien chercher de la glace. Là, j'en ai profité, moi. J'allais entrer. Et puis, je suis resté derrière la porte. Parce que je l'ai entendu qu'il parlait de toi. De moi? Oui. Il téléphonait à Ragopian, tu sais, son copain, là, Ragopian, le roi des imprésaris. Et il lui disait, eh ben, j'ai enfin obtenu rendez-vous avec ma cousine. Ça y est, c'est fait, elle est à moi. Comment? Oui, oh, ben, j'ai bien compris. Il voulait dire, c'est une question d'heure, mais enfin, c'est égal. Entendre ce voyou se vanter d'une chose pareille. Il a dit ça? Oh, mais je peux te répéter chaque mot, tu penses? Ragopian a dû le féliciter, hein, entre salauds, ça se fait. Et alors Olivier a continué. Seulement, tu vas me faire le plaisir d'engager Auguste pour diriger un orchestre et tu lui foutras 8000 balles par mois. Alors l'autre a dû gueuler au bout du fil parce qu'il l'a stoppé par un « c'est moi qui paye sans réplique ». Oh, quelle horreur, c'est pas possible. N'est-ce pas? Oui, surtout qu'il a ajouté. Seulement pour ce prix-là, tu vas lui faire voir du pays, hein? Puis, oh, ils ont discuté de ce qui valait mieux pour moi, des casinos miteux, de l'Arabie Saoudite. Oh. Et ils n'ont pas pensé que je pourrais te suivre? Ah si, Mais il paraît qu'Olivier se chargeait de ça. Ah, vraiment? Alors, comme l'autre lui posait une question, Olivier a répondu. Ah non. Ah non, ça va te vexer, cet idiome, ça va te vexer. Non, je ne crois pas. Eh bien alors, il a répondu, naturellement, Isabelle me plaît, naturellement, je l'adore. Mais ce qui m'amuse surtout, c'est de rabattre le caquet de ma femme. Elle me rase avec leur amour, leur bel amour, leur grand amour, 15 ans d'amour. Ils vont voir ce que je vais en laisser de leur amour. Il a raccroché. C'est la dernière chose qu'il ait dite. Mais tu as bien fait. Tu as bien fait. Moi, j'ai vu rouge, moi. Je suis entré. Alors, il était affalé, là, dans un fauteuil. Il avait son costume de l'autre jour, là. Je ne voyais que ses bras et le haut de son crâne. Chouf! C'est là-dessus que j'ai tapé. Pas longtemps, parce que j'ai entendu du bruit. Je me suis enfui comme un voleur. Enfin, comme un assassin. Mais dis donc, mais j'y pense subitement, mais je suis un assassin! N'y pense pas. Et tout ça parce qu'un type est venu avec son sale argent qui n'est même pas à lui! Oh, mon petit pot. Oh oui! Oh oui, ton petit pot! Oh oui! Pourquoi tu dis ça? Don Quichotte. Piquette! Piquette, dis! Mais j'ai tué quelqu'un, moi! Ça a l'air d'une blague! Tu as bien fait. Ça, je te dis que tu as bien fait. Oh non, là, tu vas trop loin. Il l'a mérité, il l'a 100 fois mérité. Mais non! Oh, il pensait qu'à détruire notre amour. Eh ben justement, c'était stupide, il n'a jamais été plus fort, non, notre amour. Non, ne me touche pas, hein! Oh, je te fais horreur. Non, c'est pas pour ça. Pendant tout ce temps-là, tu essayais de me réconforter, mais je te faisais horreur. Je te jure sur ma vie que non. Je te fais horreur. C'est la police, il faut répondre. Je suis sûr que tu me vois avec mon presse-papier. J'étais nerveuse, j'étais bouleversée. Bouleversée, non, tu es forte, toi, tu es calme. Il faut répondre, il faut leur dire que tu es là. Mais je m'en fous, alors, c'est parce que je m'en fous. Il faut te défendre et qu'on me défende. Est-ce que t'imagines ma vie sans toi, dis. Très bien, je te dégoûte. Tu vas pas laisser ça non réussir, non? Il peut plus que ça pour nous séparer. Réponds, Auguste. Réponds. Je t'en donne. Je te dégoûte pas. Je te remercie. Allô? Allô, oui, je... Excusez-moi, je dormais. Oui, j'ai le sommeil très lourd. Oui. Quoi? De la part de Charlot? Mais qu'est-ce que Charlot vient faire là-dedans? Bon, je vous remercie, mais vous pourriez pas m'expliquer. Il a raccroché. Qu'est-ce que c'est? Un ami de Charlot qui me téléphone de sa part. Il paraît qu'il faut que je foute le camp tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ça, foutez le camp tout de suite. Lucien a mangé le morceau, Charlot va essayer d'arranger les choses, mais foutez le camp tout de suite. Je fous le camp? Attends, attends. Ce que je comprends pas, moi, c'est comment Charlot pourrait essayer d'arranger les choses. Bah oui, d'où sorti celui-là? Oh, brave Charlot, toujours là, hein, quand on a besoin de lui. Alors, je fous le camp? Non! Comment non? Il faut pas que tu t'en ailles. Et pourtant... Laisse-moi réfléchir. J'ai une bien meilleure idée. Ah tiens, t'es plus bouleversée? Ah si, si, si, naturellement, très. Bon, on le dirait pas, dis donc. Écoute, malgré le conseil de Charlot, faut pas que tu t'en ailles. Ça serait avoué. Oui, mais pourtant... Dans ces cas-là, il n'y a qu'un principe, n'avouez jamais. Tu crois? Raconter n'importe quoi, mais n'avouez jamais. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? On va t'arrêter. Voilà tout. Ah, voilà tout. Mais on te relâchera. Si tu m'écoutes. Mais ce soir, je vais coucher en prison. Quelques heures. Je vais téléphoner à votre chef. Ah non, non, téléphone plus parce que moi j'ai piqué une crise. Mon chéri, mais tes mains tremblent. Je devrais peut-être préparer ma valise. Je crois que t'as tout ton temps. Oh. Oh. Tu crois qu'ils me laisseront mon piston? C'est à ça que tu penses? Que veux-tu? Je sais pas à quoi il faut penser dans ces cas-là. Moi, j'ai pas l'habitude. Eh ben, il faut penser à ce que tu vas leur dire. Mais la vérité? Oh non! Mon pauvre chéri. Est-ce que tu crois que le jury acquitterait quelqu'un qui a fait ce que tu as fait uniquement parce qu'il a eu peur d'être trompé? Mais j'ai pas eu peur de ça! Alors, raison de plus! Enfin, quelle excuse trouver à quelqu'un qui a cru qu'on allait tenter de le tromper? Mais moi, j'ai 17 francs, hein. Je pouvais toi ne pas dire qu'il essayait de me les voler. Écoute, c'est pas le moment de faire oh, le tour. Oui, que veux-tu, je t'agace. Je suis pas à la hauteur. Oh, je te jure bien que c'est la dernière fois. Non, j'espère que tu entends ce que tu me dis, là. Hein? Non, même pas, heureusement. Non, mais dis donc, toi, t'es à la hauteur. Tu es prêt à m'obéir? Oui. Tu discuteras pas? Non. Tu as confiance en moi? Complètement, absolument. Très bien. Je vais te tirer de là. Oh, ma pauvre petite. Oh non. Non, m'appelle pas ma pauvre petite, pas en ce moment où je te suis utile. Ma biquette? Prends-moi dans tes bras. Et écoute-moi bien. Je t'écoute, oui. Tu n'es pas entré dans le bureau. Bon. Tu n'as pas entendu de téléphone. Bon. Tu t'es vexé, t'en avais assez d'attendre, et tu es descendu tout de suite derrière Lucien. C'est presque vrai. La téléphoniste t'a-t-elle vu passer? Comment sais-tu qu'il y a une téléphoniste? Bah, tu imagines l'affaire comme celle d'Olivier sans téléphoniste. Elle m'a vu passer. Bon. Tu n'avais pas l'air trop gare? Je crois pas. Un témoin de plus, tout s'arrange très bien. Alors voilà. C'est moi la coupable. Quoi? Je lui résistais, il s'obstinait. Je l'ai frappé. Mais je ne veux pas, moi. Tu as promis de m'obéir. Mais jamais, tu entends jamais. Sois pas stupide. Mais je suis stupide. Et réfléchis. Une femme qui défend son honneur, c'est sacré. On la quitte toujours. Oh, mais tu m'épouvantes. Ah oui, ça, tu peux pas savoir de quoi je suis capable, moi. Surtout aujourd'hui. Mais en effet, mais je te laisserai pas faire. Ah si. Mais non. Oh, mais si. Mais d'ailleurs, mais ton histoire tient pas debout, mon pauvre chou. Comment serais-tu entré dans le bureau sans que Lucien ni la téléphoniste te voient? Tu penses que j'avais prévu cette objection par la rue Beaujon? Par la rue Beaujon? Bah oui, il y a deux sorties. Comment le sais-tu? Tout le monde le sait. Ah, je le savais pas. Olivier en a parlé ici l'autre jour. Oui, j'ai pas entendu. T'étais peut-être à la cuisine. Hein? Oui, oui, peut-être. Bon, bon, alors admettons que tu sois entré par la rue Beaujon. Oui, bah ton histoire, elle tient quand même pas debout. Tu m'ennuies, tu sais, mais pourquoi elle... Mes empreintes digitales sur le presse-papier. C'est juste. Je suis foutu, ne fatigue pas, bah, je suis foutu. Mais non, il n'y a qu'un détail à changer. Je lui résistais. Tu es entré, tu nous as vus, blanc, tu l'as frappé. T'as de l'imagination. Ah oui, hein. T'as beaucoup d'imagination. Et réfléchis. Un mari qui défend son honneur, c'est sacré. On la quitte toujours. Là, comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il aura déchiré ma jupe dans la lutte et... voilà. Mais c'est idiot d'abîmer ses affaires. Ben, je trouve pas, moi. Mais d'autant plus que ton histoire, eh ben, elle tient toujours pas debout. Mais tu m'ennuies, pourquoi? Voyons. Tu étais entré par la rue Beaujon? Oui. Pourquoi? Pour ne pas être vu. Pourquoi ne voulais-tu pas être vu? Je ne sais pas. Si tu te cachais tellement, c'était probablement pas dans l'intention de résister. Probablement pas. Mais tu vois, je suis foutu, je suis foutu. Mais non. On n'a qu'à dire que j'étais sa maîtresse. Oh, mais non, mais ça, je ne veux pas. Ah, toi, tu veux rien. Mais alors... d'abord, mais personne ne le croirait. Ça, ce sont des choses qu'on croit toujours. Ah non, pas de toi. Écoute, tu parleras des fruits, des fleurs, des cadeaux qu'il m'envoyait. T'auras Lulu, mais... t'auras les concierges, t'auras les Poliakov comme témoin. Oui. Seulement, je vais recoudre ça, parce que maintenant que je lui résiste plus, il n'y a aucune raison. Comment expliqueras-tu que ce soit déchiré? Bien parce que... hier, j'avais résisté. Dis donc... quelle invention? 15 ans sans te mentir, j'avais des réserves. Je m'en aperçois. Et je dois t'avouer que c'est bien amusant d'essayer d'être plus habile qu'eux. Ah oui, c'est amusant? Terriblement. Mais alors mon chéri, amuse-toi parce qu'il y a encore des tas d'explications à trouver. Ah oui? Lesquelles, par exemple? Puisque t'étais entré par la rue Beaujon, comment se fait-il que Lucien ne t'ait pas vu quand Olivier l'a sonné pour la glace? Parce que je m'étais cachée pour ne pas faire de peine à la cousine Sophie. Cachée, où ça? Dans la pièce à côté. Comment sais-tu qu'il y a une pièce à côté? Il n'y a pas de pièce à côté. Si, il y a une pièce à côté. Avec un divan. Seulement, comment le sais-tu? Sois pas stupide! Tout le monde le sait, sans doute, hein? Et Olivier en a probablement discuté ici l'autre jour, pendant que j'étais à la cuisine. Mais pas du tout. J'en ai parlé comme ça, au hasard. Comme de la téléphoniste? Oui, oui, comme de la téléphoniste. Elle n'aurait pas pu être un téléphoniste. Ah si? Tu fais plus qu'inventer. Oh, tu devines. Les téléphonistes sont des femmes, le plus souvent. Il aurait pu y avoir aussi une secrétaire. Il est bien curieux que tu aies deviné qu'Olivier n'en avait pas. J'ai pas deviné. Et bien plus curieux encore que tu ne te fâches pas du temps que je prends avec toi en ce moment, c'est pas dans mon habitude. Je me fâche pas parce que je te comprends. C'est vrai ça. Cette série de coïncidences là, c'est bizarre en effet. Je crois que c'est bizarre. Enfin chérie, c'est pas parce que j'ai eu la malchance de tomber juste. La malchance de tomber juste. Et justement en essayant de me sauver la mise. Ah oui, oui, aussi. Tu comprends pas que c'est fini les bêtises. Que j'ai tout compris. Il est inutile de continuer à patauger. Mais t'as compris quoi? Je suis plus sous, Isabelle. Tu m'as dégrisé un petit peu rudement. T'as compris quoi? Il n'y a qu'un principe dans la vie. N'avouez jamais. Qu'est-ce que tu veux que je t'avoue? Racontez n'importe quoi, mais n'avouez jamais. Tu me fais peur. Je te fais peur, hein? Un mari qui vend son honneur, c'est sacré, on la quitte toujours. Rassure-toi. Un crime par jour, pour moi, c'est un grand maximum. Je suis tellement fatigué que je... Oh, ouvre la fenêtre vite. Mais enfin, a-t-on idée de se mettre dans des états pareils? Mais sans raison, ça, sans aucune raison. C'est vrai, tout ça est tellement plus simple que tu crois. Ce que je crois est très simple. Évidemment, je t'ai pas dit toute la vérité. Évidemment. Mais étant donné la façon dont tu prends les choses, je te la dois maintenant et tout entière. Mais non, mais non. Ah si, mais ah non. si, c'est inutile, c'est idiot. Enfin, je te la dois. Encore une histoire d'amour. Pas comme les autres, pas comme les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, s'il te plaît? Le bonheur. Toujours le bonheur, on s'en fatigue. Oh, et tu souffres, mais c'est bête. On peut mourir de rire pendant 15 ans, mais on peut pas en vivre. Je te laisserai pas te faire du mal stupidement. C'est embêtant, à l'heure des repas, de n'être sûr que de la moutarde. Oh, mais tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que j'adore notre bohème et notre folie. Écoute, laisse-moi seulement t'expliquer. Non, tu ne me dois rien. Tu n'as pas de compte à me rendre. Eh bien, je t'en rendrai. Non. Ça te plaise ou non, je t'en rendrai. Voilà. Oui, je suis allée chez Olivier. Oui, je sais qu'il a une téléphoniste et pas de secrétaire. J'étais allée lui demander, comme toi, d'avoir un peu plus de tact dans ses envois. Enfin, tu peux pas me blâmer de ça. Réponds. Non. Et puis, je t'ai menti aussi pour la rue Beaujon. Il a pas parlé de la seconde sortie ici l'autre jour pendant que t'étais à la cuisine. Il me l'a montré. Ainsi que la pièce à côté. Qu'est-ce que tu insinues, là? Je sais plus. Eh ben, tu devrais! Après 15 ans, tu devrais me connaître. Lui, en tout cas, a meilleure opinion de moi. Ah, vraiment? Ah oui, parfaitement. Lui ne me considère pas comme une fille. Ah. Pour lui, je suis quelque chose de rare, qu'il faut essayer de mériter. Tu parles bien. Tu m'as pas demandé, j'ai téléphoné, là, tout à l'heure. Le morceau de papier que j'avais sorti de mon sac, il y avait inscrit le téléphone de sa garçonnière. Oui, de sa garçonnière. Un nid d'amour, une petite merveille qu'il avait louée pour moi, paraît-il, dans un coin de la rive gauche où personne ne me connaît. Il me disait, je ne vous demande pas d'y venir, mais seulement de m'y téléphoner. Et lorsque vous verrez qu'après 15 jours, 20 jours, tu entends? Après 20 jours et un mois, j'y passe toutes mes soirées à vous attendre. Alors vous viendrez, vous ne pourrez pas me voir venir. Voilà ce que je dis. Oh, je le tuerai. Et tu as téléphoné? Je vais te faire de la peine. Tu as téléphoné. Si tu crois que c'est facile d'être une femme. Ça t'amusait? Malheureusement, oui. Pourquoi? Mon chéri, depuis 15 ans, nous parlons de nous. Et lui, il m'a parlé de moi. Tu comprends? Il m'a parlé de moi. Évidemment. Bon, ça y est. Voilà, je t'ai tout dit. Tout? Oh. Oui. Oh, Ce que j'ai fait, c'est mal, c'est très mal. Mais enfin, j'ai rien fait là dont tu puisses souffrir. Non, tu téléphones à ce salaud, tu permets à ce salaud d'espérer. Espérait-il vraiment? Olivier! Et puis que veux-tu? À la pensée qu'il se morfondait dans sa garçonne ira m'attendre au lieu de courir dans les boîtes avec les filles, t'as dit le mot juste. Moi, ça m'amusait. Et tu n'as jamais été tenté de le rejoindre? Oh, ça, jamais! Tu es fou! Jamais! Tu me crois? Je te le jure sur ma vie. Ah? Sur ma vie. Et sur la mienne, tu le jurerais aussi? Dans la situation où tu es en ce moment, avec les dangers que tu cours, non. Je t'assure que je pourrais le faire. J'espère que tu es rassurée. Tu as probablement raison. D'ailleurs, assassin et cocu, ce serait peut-être un peu trop à la fois. Pourquoi pas des mots comme ça? Enfin, écoute, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ces messieurs. Avec ou sans mon histoire? Sans ton histoire. Oh, t'es fou. Sans ton histoire. Je t'en supplie. Non, elle est trop compliquée. Moi, je m'embrouillerai. Ils vont arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Mais nous verrons bien. Tu t'en fous pas de ce qu'ils vont faire de toi? Dis-moi non, que tu t'en fous. Non, mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, attends. Donne-moi une cigarette. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Enfin, adieu Isabelle. Tu m'embrasses pas? Si, tout à l'heure, devant eux. Devant eux? Oui, tu devrais comprendre, maintenant j'ai besoin de tout mon courage. Rappelle-toi. Oh, oui, je pense bien, parce que sans quoi... Tiens, voilà 17 francs, je te demande pardon, mais c'est tout ce qui me reste, et bon, je pouvais pas prévoir. Charlot s'occupera de toi. Ouf, moi? Et donne ta main, vite, pour notre dernière seconde de bonheur. Je t'aimerai toujours. Allume. Je veux voir la gueule qu'a la justice. Notre justice. Bonsoir, mon cousin. Bonsoir. Ma cousine. Bonsoir. Eh bien, vous ne me faites pas entrer, vous ne me dites pas de m'asseoir. Oh, asseyez-vous. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ma zèque de fleurs. Ah oui, ça c'est... Mais tu es une admiratrice à moi. Oui. Une folle. Une folle qui a bon goût. Oh. Eh bien, vous ne vous asseyez pas? Je ne vais pas m'en aller tout de suite, vous savez. Ah, mais alors bon. Eh ben dis donc, hein. Pour une surprise, c'est une surprise, alors. Moi, j'espère bien que non. Ah, vous espérez que non? Comment? Isabelle ne vous a donc pas prévenue? Je vous appelle Isabelle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Prévenue de quoi? Mais comment? Elle ne vous a pas dit que nous nous étions rencontrés cet après-midi au Faubourg Saint-Honoré? Non, je ne l'ai pas dit, non. Ah, je comprends très bien. Je l'avais pourtant prévenue que je viendrais vous voir, n'est-ce pas Isabelle? Oui. Mais aussi, Auguste, c'est votre faux. Hein? Vous m'êtes tellement sympathique. Moi? Mais oui. Oh, je vous trouve si gentil, si gai. Je sais pas si vous avez raison. Il y a longtemps que vous avez vu Olivier? Quelle drôle de question. Vous oubliez que c'est mon mari. Oui, un drôle de mari, je le reconnais, mais enfin, c'est mon mari tout de même. Je ne reste jamais très longtemps sans le voir. Non, je crois qu'Auguste veut savoir si vous avez vu Olivier ce soir. Oui. Pourquoi? Auguste veut sans doute savoir si Olivier vous a parlé de la visite qu'il lui a faite. Non, mais il m'en parlera sûrement quand je le verrai. Ah, vous l'avez pas vu. Bon, vous avez l'air de le regretter. Ah, je le regrette, alors ça, je le regrette. Ah, il m'a téléphoné chez mon coiffeur pourtant. À quelle heure? Je ne sais pas, moi, vous êtes drôle vers... vers 6h30. À quelle heure l'as-tu vu, toi? Après. Malheureusement, après. Mais pourquoi, malheureusement? On vous dira. C'était un curieux coup de téléphone. Très curieux. Mais on ne vous a pas téléphoné depuis, on ne vous a rien dit? Qui voulez-vous qui me téléphone? Que voulez-vous qu'on me dise? Non, mais vous ne deviez pas dîner avec Olivier? Non. Nous allons nous retrouver chez des amis vers 11h. Il devait dîner dans sa garçonnière. Ah. Oui, cette garçonnière que je paie. Il faut vous dire que notre cher Olivier est en ce moment d'une méchanceté inimaginable. Ah, vraiment, il est d'une méchanceté? Eh ben, ça me fait du bien, moi, ce que vous me dites là. Faites pas attention, il a un peu bu ce soir. Oui, c'est pas moi qui pourrais lui reprocher. Alors, vraiment, il est d'une méchanceté inimaginable. Et il n'y a que moi qui pourrais le punir. Malheureusement, je n'en ai pas la force. Est-ce que je pourrais boire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, certainement. Dire que sans moi, il ne pourrait plus rien contre personne. Comme ça? Bah, comme pour vous. Oh, alors. Merci. Auguste! Oui? Je voudrais que vous vous en alliez, mon petit Auguste. Moi? Pourquoi voulez-vous que mon mari s'en aille, hein? J'ai à vous parler, Isabelle. À moi? Vous savez de quoi? Ma foi, non. C'est la suite de notre conversation de cet après-midi. Je ne vois pas. Oh, remarquez que je peux très bien tout raconter, Auguste. Ah, oh, ben alors? Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que... Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? On abîmerait tout en lui racontant. Mais abîmer quoi? Oh, des histoires de femmes, vous ne pouvez pas comprendre. Notre cousine a raison, je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles, Auguste. Oui. Ah bon, ouais. Ah non, pas là. Rappelez-vous, on entend tout dans cette maison. Ah, vous voulez que je descende? S'il vous plaît. Je ne me le ferai pas dire deux fois. Mais tu remontes dans 5 minutes. Ah, oui. Et moi qui vous admirais tant. Oh, je ne vous juge pas. La passion d'Olivier vous a amusé, vous vous êtes crue plus forte que lui. Ah, il est très fort. Très fort. Il avait prévu le moment exact de votre défaillance. Il m'avait demandé où serez-vous entre 6 et 7, j'aurais peut-être quelque chose à vous dire. Il vous a quitté vers 6h20, n'est-ce pas? À 6h25, il me téléphonait chez mon coiffeur pour m'apprendre la bonne nouvelle. Il paraît que je l'avais agacé avec votre amour. Ah, mais aussi tout ça est arrivé par ma faute. C'est moi qui ai insisté pour venir à ce déjeuner. J'avais tellement entendu parler de votre gaieté, de votre courage devant l'infortune. Ah, vous avez tout de même résisté 3 semaines. Olivier ne devait pas en venir. Écoutez, me parlez pas tout le temps de lui. Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permet d'avoir beaucoup de tact. Encore moins vous me croyez. Je sais. C'est à cause de vous qu'il n'est pas sorti pendant ces 3 semaines pour attendre vos coups de téléphone. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. C'est la première fois qu'il s'impose une corvée pareille. Il devait tenir joliment à vous. Je ne crois pas, non? Non, pas de modestie entre nous. Vous lui plaisiez énormément. Vous? Si. Il est même possible que vous lui plaisiez encore. Si. Surtout après les remords que vous avez eus. Olivier m'a dit que vous sanglotiez. À vous penser. Vos larmes ont sûrement été le meilleur moment de sa journée. Et vous l'aimez? Je ne pense pas que cela vous regarde. Sophie? Je vous appelle Sophie, n'est-ce pas? Ah, c'est tellement plus simple. Je n'arrive pas à croire que vous soyez venue seulement pour m'insulter. J'aurais très bien pu, c'est dans mon caractère, j'y ai même pensé. Alors? J'ai renoncé. Et pourquoi? Parce que vos larmes ont été aussi le meilleur moment de ma journée. À moi. Oh, vraiment? Je me suis dit, si elle sanglote, rien n'est perdu. Je connais Olivier. Ces 20 jours sans sortir, ce petit attendrissement sur vos larmes, il n'a pas de remords, mais... s'il se mettait à avoir des regrets... je ne veux pas de ça. Acceptez-vous de quitter Paris tout de suite? Nous ne pouvons pas partir. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? On ne nous laissera pas partir. On? Olivier? Naturellement, non. Mais qui, alors? Je ne peux pas vous le dire. Attention, Isabelle. En pleurant, vous avez été très polie, je vous en remercie. Mais maintenant, les simagrées ne suffisent plus. Si vous avez eu une heure de folie, enfin, comme vous dites, vous autres, eh bien, prouvez-le, partez tout de suite. Je le voudrais, je ne le pourrais pas. J'arrangerai les choses. Pas celle-là. Et vous n'avez pas de raison à me donner? À vous, non. Olivier est à moi. Si vous vous incrustez, je vais devenir très déplaisante. Mais je suis capable de l'être aussi. Pour la dernière fois, acceptez-vous de quitter Paris? Non. Ah. En une heure, il vous a plu à ce point-là? Oh non. Non. Seulement, maintenant, je ne peux plus le détester. C'est drôle. Moi, si je ne l'avais pas aimé... aimé... je n'aurais pas pu le supporter 5 minutes. Ça devrait vous rassurer. Seulement parce que je l'aime, je suis prête à tout pour le garder. Absolument à tout. Ma sœur vit dans le Midi, elle vous donnera les moyens d'ouvrir là-bas le petit bar de vos rêves. Mais je ne peux rien accepter de vous. Oui, vous, en effet, et votre mari. Auguste, encore moins. Encore moins. Oui, supposez qu'un jour, il apprenne. Rien à craindre. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi j'avais inventé cette histoire du Faubourg Saint-Honoré? Ah si? Eh bien, ma chère, nous ne nous sommes pas quittés cet après-midi. Je vous ai emmené prendre le thé et traîner chez ma couturière et j'ai des témoins. D'ailleurs, pourquoi irais-je imaginer ça? Ah, ne me remerciez pas, je travaille pour moi aussi. Si Auguste ne sait rien, tout le plaisir d'Olivier sera gâché. Ah non, non, non, non. Non, il ne faut pas qu'on croie que j'ai passé l'après-midi avec vous. Pourquoi? Ah non, il faut qu'il soit bien établi que je suis allée rue Campagne Première. Vous tenez à ce qu'on sache que je suis trompée? Et d'ailleurs, quelqu'un m'a vue là-bas, quelqu'un le dira. Mais qui? Qui voulez-vous que ça intéresse? Et s'il le dit pas, moi, je le dirai. Vous en êtes si fière. Mais il faudra que je le dise. Non. Non, je ne comprends pas, il y a autre chose. Non, je vous assure que vous non, voulez c'est... protéger quelqu'un, c'est visible. Moi, je... Et ce quelqu'un doit être Auguste. Non, c'est absurde. Pourquoi voyons. Avez-vous eu l'air terrifié tous les deux quand je suis entrée? Oui, tous les deux. Vous, je comprends, mais lui... Mais nous n'avions pourquoi pas l'air terrifié. Pourquoi Auguste ne peut-il pas accepter la proposition que je vous ai faite? Et pourquoi lui, surtout? Pourquoi m'avez-vous demandé 10 fois si j'avais vu Olivier ce soir? Ils se sont battus à cause de vous. Ils se sont battus, n'est-ce pas? Auguste était fou. Il a eu un mouvement de jalousie. Oui, il n'a pas osé, il ne lui a pas fait de mal. Olivier n'est pas en danger. Olivier! Olivier! Olivier! Sophie! Olivier! Mais Sophie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Hein? Oui, oui, oui, elle nous offrait de l'argent pour ouvrir un bar dans le Midi. Moi, j'ai sûrement eu un mot malheureux. Mais pourquoi est-elle dans cet état? Comment aurait-on pu croire qu'elle l'aimait à ce point-là? Ah, ça, j'avoue. Elle est folle de lui. Malheureusement. Elle est capable de se tuer pour lui. Oh, ne me dis pas ça! Tu sais qu'elle en est capable! C'est un massacre! Oh, Auguste, cette fois! Auguste. Oh non, écoute, on va pas encore se dire adieu. On finirait par avoir l'air idiot. Hein? En voilà une histoire. Comment? Toi aussi? Comment moi aussi? Mais l'homme au presse-papier, c'est moi. Oh! Oh mon vieux! Oh mon cher vieux! On m'aime bien ici, y a pas à dire on m'aime oh, bien. Oh mais on t'adore! Isabelle! Isabelle! Mais je suis plus un assassin! Je suis plus un assassin! Oh, oh pardon. C'est bien toi qui as tout reçu. Ah, ça, tout. Non. J'ai pas tapé sur quelqu'un d'autre. Non, non, il y en a eu pour moi. Ah, ça alors, on peut dire que t'es un ami. Oh. On peut, La petite fine. Non, merci. Mais Auguste a eu de la veine que j'ai le crâne solide. Pas de cervelle, rien que de l'os. Si ça avait été une canne, pareil que je l'aurais cassé. Cassé? D'ailleurs, le presse-papier, je l'ai cabossé. Cabossé? Mais non, je blague. Ah, il blague. Oh, je l'adore, cet homme-là. Maintenant, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi le presse-papier? Eh ben, j'avais que ça sous la main. Pas du tout, l'encrier pouvait très bien faire l'affaire. Puis il était beaucoup moins lourd. Ah oui, j'ai pas réfléchi. Tu aurais dû. En tout cas, tu vois, mon chéri, les blessures au crâne. Ou on en meurt, ou c'est rien du tout. Oh, rien du tout. Je veux dire, c'est pas trop grave, quoi. Pas trop grave, pas trop grave. Je suis quand même pas très solide sur mes jambes. Non ! Hé ! Pas sur le fauteuil ! Tu vas te casser la gueule. Dans mon état, ça serait vraiment du luxe. Vas-y. Tu m'en veux pas trop? Non, je sais bien que c'est pas de ta faute si tu m'as assassiné. Mais aussi, tu n'avais pas besoin de taper si fort. Eh, si, pour t'assommer. Ça faisait bang dans ma tête. Je t'avais bien dit que ça faisait bang. Ah, faut que je sois franc, hein. Sur le moment, je t'en ai voulu. Ah, ben, je vous comprends. J'ai vraiment failli mourir sans savoir pourquoi. Ben, oui. Surtout quand je t'ai reconnu. Je me disais, mais il est idiot, qu'est-ce qu'il a à me taper comme ça sur la tête? Mais je te prenais pour Olivier. Moi, tu as pu me prendre pour Olivier? Mais oui, d'où j'étais? Moi, je voyais que le haut de ton crâne. Et ton costume. Oh, nom de Dieu, le costume, c'est ça! J'avais vu le sien l'autre jour en descendant l'escalier. J'ai voulu me faire faire le même avec un joli petit gilet. Oh. Une fière idée que j'ai eue là. Ah oui! D'autant plus qu'il m'avait déjà engueulé avant que tu m'assommes, oui. Monsieur n'aime pas qu'on le copie. Allons, bon. Bon, alors j'admets que tu aies pu être trompé par le costume, mais que diable, je suis quand même plus petit que lui. Ah ben, tu étais assis. Mais sans pourtant que même assis. Ah ben, tu étais vautré. Oh, hein. Vautré, vous l'entendez, ça oui, tu pourrais ajouter que tu étais... Ah oui, j'étais un petit peu... Même avant? Avant, pendant et après. Ah ben, alors tout s'explique. D'autant plus que tu étais vautré à côté du téléphone, alors qu'Olivier venait précisément de téléphoner. Et au fait, mais où était-il passé, Olivier? Dans la pièce à côté. Si vite? Oui, on l'appelait. Remarque que j'avais vaguement imaginé qu'il y avait eu confusion. Seulement, c'était trop tard, j'étais déjà à la salpêtrière. Oh, mais qu'est-ce qui vous y a amené? Le garçon de bureau, Lucien. Disons, il fera jamais rien, ce garçon-là. Jamais. Et Olivier? Que faisait Olivier? Oh, Olivier était parfait, comme d'habitude, il se tordait. J'entends son rire. Alors tu comprends quand les internes m'ont eu raccommodé? J'ai essayé de leur faire croire que je m'étais cogné, mais ça n'a pas pris. Faut pas demander l'impossible. D'autant plus qu'ils étaient formels. Si j'avais rendu l'âme, comme on dit vulgairement, eh bien tu étais bon pour la prison à perpète. Alors c'est pour ça que je te conseillais de foutre le camp. Alors, quand vous disiez que vous alliez essayer d'arranger les choses... Ça signifiait que j'allais essayer de ne pas me laisser glisser, de tenir bon la route. Oh. Eh bien, je l'ai tenu, tu vois. Oh, sacré Charlot. Et en plus de tous les embêtements, fallait encore que je me fasse du souci pour toi. Oh, je l'adore, cet homme-là. Oh, ça, c'est vrai, il vous adore. Tiens, la preuve, c'est à toi que j'avais pensé pour t'occuper d'Isabelle, en cas de malheur. Oh, que c'est gentil, ça me va droit au cœur. Oh, que c'est le Charlot, je voudrais vous prouver notre reconnaissance. Ah, oui, ça, avec 17 francs, ce sera pas facile. Comment, tu n'as que 17 francs? Mais, oh, non, je disais pas ça pour ça, hein, après ce que t'as déjà fait pour moi. Mais ça n'a aucun rapport. Charlot, est-ce que vous souffrez beaucoup de la tête? Non, il paraît même que je n'aurai jamais plus de migraine. Ah. Dis-moi merci. Merci, mon vieux. Alors, vous savez ce qui serait gentil? Non, quoi? Si on allait tous les trois dans une boîte. Oh, quelle bonne idée. Mais c'est moi qui régale. On vient d'échapper à la catastrophe, on sera plus jamais aussi gai. Profitons-en. Je vais prendre mon châle et j'arrive. Ah bah moi, alors, j'ai décidé à en profiter au maximum. Pour un meurtrier, je te trouve un peu détendu. Ah bah, dis, mets-toi à ma place. Ah non, mon vieux, ça, j'en ai assez de me mettre à la place des autres. C'est toi qui fais ça? Mais dis donc, mais t'es un cochon. Moi? Oui. T'as été assez gentil au moment du presse-papier. Oh, il me semble. Et même après. Mais avant? Avant? Eh ben oui. Le coup de téléphone d'Olivier à son copain Ragopian, tu l'avais entendu, toi aussi? Mais là, je m'excuse. Ainsi, toi, mon meilleur ami, t'as entendu sans protester Olivier dire à Ragopian, « Dis donc, mon vieux, notre pari à propos de ma cousine, ça y est, c'est fait, elle est à moi, tu peux allonger tes 8000 francs ?» Je pensais à mon garage. Tu l'as laissé dire, leur amour, Ils vont voir ce que je vais en laisser de leur amour. Mais je savais bien qu'ils se vantaient, qu'ils ne s'occupaient pas du tout d'Isabelle. Ah, vraiment? Mais pas du tout. Et j'avais de bonnes raisons pour le savoir. Ah oui? Oui, la première chose qu'ils m'avaient annoncée en entrant, c'était à mon vieux, vous avez de la veine. Vous avez devant vous un homme admirablement disposé. Et il y avait une idiote qui me faisait droguer depuis 20 jours. Depuis 20 jours, sans sortir, le soir, à attendre ses coups de téléphone. Elle est enfin venue cet après-midi, je vous pourrais croire que j'en ai profité. Ben, tu vois bien qu'il ne s'occupe pas d'Isabelle. Je regrette de t'avoir raté. Qu'est-ce que tu dis? Je regrette de t'avoir raté. Enfin, l'idiote, ce n'était tout de même pas vous. Je vous demande tellement pardon. Je n'aurais jamais pu imaginer, pas une seconde. Je vous croyais tellement honnête. Vous m'excuserez? Moi aussi, je me croyais honnête. Et moi, pauvre imbécile. J'avais bien pensé à me tuer. T'aurais jamais rien su. Mais j'espérais être encore heureuse avec toi. J'avais pensé que ça s'arrangerait peut-être. Ça s'est pas arrangé. Ça s'arrange jamais. Non. Tu veux que je m'en aille tout de suite? S'en aller, s'en aller, c'est tout ce qu'elles savent dire. Ça vaudrait peut-être mieux demain, tu ne seras plus calme. Alors, dis donc, toi, je te conseille de te taire, hein? Après ce que t'as fait ici? Mais monsieur s'en fout! Monsieur trouvait très bien qu'elle s'en aille, et bien elle s'en ira pas! Tu m'entends, elle s'en ira pas, je te jure qu'elle s'en ira pas! Ce serait trop simple, alors on brise la vie d'un type et puis on dit, veux-tu que je m'en aille tout de suite? Pourquoi tu fais ça? Quoi? J'ai pas d'excuses. J'en cherche pas, c'est trop difficile. J'ai pas d'excuses. Parce que j'ai jamais cessé de t'aimer. La bonne blague. Ah, si, si j'en ai une. Seulement, elle est tellement lamentable, malheureusement c'est la seule, j'en ai pas d'autre. Alors, je te la donne pour ce qu'elle vaut. Voilà. Pendant une heure, il m'a empêché de penser à toi. Pendant 15 ans, je ne suis pas restée une seconde sans penser à toi. Et il m'a suffi de 7 heures. C'est pire que tout ce que tu dis là. Oh, mais j'ai été punie, va. Sois tranquille. J'ai su le pire. J'ai su qu'il ne me voulait que contre toi. Que pour pouvoir te le dire. Oh, ses yeux sur moi, c'était horrible. Tu m'avais juré que c'était pas vrai. Jurer sur ta vie. Oh, tu sais, ma vie, moi, je risquais rien de jurer. Non. La seule chose qui aurait pu me sauver, c'est que tu n'aies jamais rien su. Parce que je t'aurais vraiment aimé. Tu te rappelles ce que tu disais l'autre jour? Nous sommes très bien dans les embêtements. Hein. Faudrait nous voir dans le malheur. Hein. Bah, tu nous vois dans le malheur. C'est pas beau. Hein. Il est joli, notre amour. Le tien, surtout. Oh, tais-toi, hein. Parce qu'enfin, moi, que quand on a essayé d'y toucher, moi, j'ai tout de même fait quelque chose. J'ai tout de même assommé quelqu'un. Ah oui, merci. Oui, hein. Pas celui qu'il fallait, c'est entendu. Oh, Auguste. On a la femme qu'on mérite, mon vieux, l'amour qu'on mérite. Ben, faut croire que je méritais pas. Mais un salaud, tu n'es qu'un salaud, regarde-là. Ces dames sont des filles d'Ève. Elles sont curieuses, elles veulent se rendre compte. Eh ben, tu t'es rendu compte, t'es content? Mon Dieu, faites que je l'entende plus. C'est vrai, mon Dieu. Il a du charme, Olivier. Imbécile, va. Mon cher imbécile. Bon, ben, je vais m'en aller. Oh, n'importe où, ça m'est bien égal. C'est bien fini, n'est-ce pas? Ça va être long, la vie. Sans Auguste. Et moi, qu'est-ce que je vais faire sans elle? Hein? Mais au fond, mais tout ça, mais c'est ta faute! Oh, elle est bien bonne. Mais s'il y a une brute ici, ce n'est pas moi. Je ne parle pas du bonhomme qui balançait des grands coups de presse-papier. Celui-là, croyez bien faire. Donc je parle de celui qui ose parler comme tu le fais à une femme désespérée. Alors, tu ne me trouves pas assez malheureux comme ça. Sur le fauteuil, tu vas te casser la gueule. Mais tu ne l'as donc pas regardé. Elle se déteste tellement, la pauvre. Elle a une telle honte d'elle-même. Écoute-moi, tu feras ce que tu voudras, mais moi je ne te pardonnerai jamais si tu fais du mal à cette femme-là. Il ne faut pas la laisser comme ça. Il ne faut pas la laisser partir. Enfin, écoute, c'était des reproches normaux. Moi, je ne pouvais pas laisser passer ça sans rien dire. Enfin, j'ai pas été tellement méchant. Dis, j'ai pas été tellement méchant. Au fond, tu n'es qu'un sale égoïste. Mais oui. Mais bien sûr, je suis un égoïste. Je le sais, hein. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes parfaits pour le malheur, elle et moi. Oh, dis donc. C'était notre anniversaire, jeudi. Nous n'aurons plus jamais d'anniversaire. Charlot? Oui, Isabelle? Vous ne m'abandonnerez pas? Vous viendrez me voir? Après ce que je vous ai fait? Mais vous ne m'avez rien fait. Vous avez cru en moi. Comme Auguste. Comme Ragopian. Car enfin, il avait parié sur moi, il faudra que je lui fasse des excuses. Oh non, tout de même! Je te demande pardon. Quel gâchis! Mais que veux-tu? 5000 jours, 5000 miracles, c'était trop. Dieu s'est fatigué. Il faut croire. Il était trop joli, notre amour. Je me suis glissé dedans, comme dans un lit. Puis je me suis endormi. Voilà. Tu me chasses pas? Dis. Tu me détestes pas tout à fait? Si seulement on pouvait être malheureux ensemble. Ah non, il n'y a pas question de ça alors. Alors, pas question d'une seconde. Ou on est heureux ensemble, ou on n'est pas ensemble du tout. Voilà. Là, le malheur, moi, ça me fatigue. Bon, allez, va te coucher. Allez, va. Mais tu te cacheras pas pour souffrir. Ah, ça me regarde. D'ailleurs, souffrir. Souffrir de quoi? Du ridicule, de ce que pourront dire les autres envers les autres, alors. Non, je veux dire, souffrir au fond de toi. Charlot. Oui, mon vieux. Tu vas pas me croire, c'est drôle. J'ai déjà presque plus mal. Faut-il que j'ai eu peur, hein? Ah oui, mon vieux. Dis donc, si Isabelle sait m'aider, je pourrais peut-être me consoler. Et si tu te consoles, tu pourrais lui pardonner? Je suis tellement égoïste. Tu pourrais me pardonner comme ça? Comme ça? Et j'ai même la prétention que nous soyons heureux encore. Heureux? Ah non. Ah non, toi, tu n'as pas le droit d'être découragé. N'oublie pas que tu dois m'aider. Ce sera difficile. Moins que tu ne crois. Je suis même capable d'oublier. Je te l'ai dit, je suis tellement égoïste. D'ailleurs, tu me connais. Tu oublieras? Je pourrais pas te pardonner si je savais pas que j'oublierais. Seulement, ne garde pas cet air coupable. Il faut oublier. Toi aussi. J'essaierai. Reste la plus forte de nous deux, hein? Tu es sûr de mon amour? Mais naturellement. Tu n'as pas peur que je recommence? Non. Pas toi. T'es une femme, c'est entendu. Mais t'es aussi un monsieur. Oh, c'est toujours ce qu'on dit avec Chaussin. Mon chéri. Mon chéri. Comme tu es fort. Oh. Pas tellement. Mais je sais ce que je veux. Tu m'embrasses pas? Tout à l'heure. À tête reposée. Je nous prépare une petite croûte. Comme tu voudras. Oh. Il sait mieux que moi. Hein. Alors bravo les enfants. Alors je descends tout acheter. Caviar, champagne, sommar. Et pour fêter tout ça, des fleurs. Ah non, alors pas de fleurs, merci. Non, alors plus de fleurs. Non, pas de fleurs, non. Ah décidément, je vous aime bien tous les deux. Que tout est vraiment redevenu normal, dis donc, ça c'est inouï, je crève de faim. Oh, moi aussi. Au fond, tu vois, tout ça, c'est ma faute. J'avais qu'à ne pas les inviter à déjeuner. Quelle idée de me traîner jusqu'ici. Un peu de tact, mon cher. Il faut tout de même les rassurer qu'ils sachent que vous n'êtes pas mort. Moi, je trouve ça dommage. Tout de même, quel salaud, cet Olivier. Ils le savent. Visiblement. Dis, tu trouves pas que c'est un salaud? Oh, ça recommence. La seule chose qui me console un peu de ne pas l'avoir tué... Un peu seulement. C'est le soulagement qu'a dû avoir sa femme. La seule joie que vous m'ayez jamais donnée. Ingrate. Oh, tu m'avais dit qu'on parlerait plus de lui. Oh, c'est la dernière fois. Là, il n'existe plus. Supprimons-les. C'est une manie. La première chose que je vais faire demain matin, c'est de foutre ses fleurs à la poubelle. Oui, mon chéri. Oh, dommage. Je distribuerai ces fruits à tous les étages. Tu auras raison, mon petit Auguste. Non, des ananas de Birmanie. Et tu me feras le plaisir de lui renvoyer tous ces cadeaux. J'en ai le placement. Déjà? C'est égal. La gueule qu'il ferait s'il savait qu'il n'a rien pu contre nous. Assez. Allons-nous-en maintenant. Nous leur avons fait assez de mal. Les voilà repartis pour 15 ans. À leur santé. Dis donc, Isabelle! Oui, Isabelle! Oui. Dis donc, j'y pense tout d'un coup. Oui. Faudra rien dire à ta mère. Jamais, hein. Mais tu es fou! Non, ça lui ferait trop de peine. Oh, je t'ai jamais autant aimé. Nous avons eu la joie de jouer ce soir devant vous Le Moulin de la Galette de Marcel Achard. Dans un décor de Roger Hart. Des costumes de Donald Cardwell. Et une mise en scène de Max Fournel. Notre moulin a tourné grâce à Brigitte Chamarande. Eddie Razimi. François Dalou. Gisèle Touret. Régine Blaise. Et Bernard Deran.